KL, tous les soirs 21h minuit sur Énergie et l'intégrale en podcast sur énergie.fr. Si les naufragés de Lost devaient écouter une seule émission de radio. Putain, 25 secondes pour parler, ou j'appuie sur la gâchette, mon pote. Y'a pas de doute. Ce serait celle de Michael et sa bande de paumés. Michael. 21h minuit. 21h minuit. Les naufragés des ondes. Ah bah c'est bien parce qu'à cause des requins là, y'a deux jingles, ça refait rien. Lost et 24h. Ouais, c'est fini. Ah ouais, c'est terminé, ouais. C'est fini. Bon, non, 24 j'ai... ils vont revenir. Hein? Ouais, mais plus en série. Ils vont faire des films. Ah bon? Ah, je croyais que c'était terminé. C'est pour ça qu'ils ont beaucoup hésité à le faire mourir au dernier épisode et au final il est vu. Oui, ah bah bravo, ça t'a eu genre ça. Non, mais ils le disent, c'est pas moi qui le dis. Ah bon, d'accord, ok, parce que j'ai pas encore regardé moi la fin de 24. Non, mais ouais, enfin les producteurs l'ont dit quoi. D'accord, ok, très bien. Bon, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Que la journée fut bonne encore une fois avec un temps magnifique. Oh là, oui. Qui sent l'été qui arrive dans 21 jours. 1er juin. Ouais, on est le 1er juin, ouais. On pourrait croire qu'on est un petit mois d'octobre. Ouais, hein. C'est ça, un petit 16 degrés avec du gris. Et puis, c'est parce que le roux qui sortait, il voulait faire le barbecue, t'es motivé et tout. Et puis la pluie. Et puis c'est dommage, hein. c'est malheureux. Mais c'est pas grave, a priori ça revient demain ou après-demain, je sais plus là, en tout cas dans le nord de la France. Après le reste, je ne sais pas. Il y en a quelques-uns qui ont eu un peu de soleil apparemment. Je discutais avec vous tout à l'heure sur le groupe Facebook. Ça va, profiter, tant que ça dure. Comment va Sandro? Ça va. En forme? Oui. Bon, bah tant mieux. T'as fauci? Ça va très très bien. Est-ce qu'on a eu? Oui. C'était les nominations dans Dilemme aujourd'hui, donc c'est. Ah, les oui, désignations, bah... pardon, faut pas dire. Ah, désignations, d'accord. Faut pas mélanger. Y on y aura le. Ils sont barrés de même. Ah, encore? Il y a Ophélie, non, c'est tout, mais Ophélie, mais c'était ce week-end, ça je l'avais déjà dit hier. Ah, ouais, rien de plus? Pour le moment, non, il n'y en a pas d'accord. D'autres qui sont partis. Bon, on en parlera tout à l'heure. Et puis, bien évidemment, je vous le rappelle une énième fois. Bah, j'oublie ce que j'allais dire. Que j'offrais un cadeau à celui au premier qui me prouvait que ça avait baisé dans le cube. Ah oui, ça aussi. Ah, est-ce qu'on a des nouvelles de Monsieur X? Beaucoup de gens se sont inquiétés hier soir après son suicide radiophonique. Ah oui, a priori il va bien, sa convalescence. Ah bon? Il va bien. Bon bah, on essaiera peut-être de l'avoir au téléphone tout à l'heure et puis sinon il devrait revenir avant la fin de la semaine. Pas mal de sons ce soir qu'on aura l'occasion d'écouter. Déjà du live avec Plan B. Je sais pas si on dit plan B ou plan B, à mon avis c'est plan B, hein, puisque le mec est anglais, donc on aura l'occasion de recevoir le mec tout à l'heure. Alors plan B, je sais pas si tu l'as calé un petit bout de plan B pour que vous puissiez savoir ce que c'est. Ça passe sur Énergie, hein. Donc pour ceux qui sont fidèles, vous reconnaîtrez, puis bah pour les autres vous allez découvrir plan B donc tout à l'heure. Ça fait un peu soul comme ça, soul Marvin Gaye, tout ça, sur certains morceaux de l'album évidemment. Mais tu connais toi Auro? Pas du tout. Pas du tout? Ah bon, pas bah écoute, tout. Très bien. Bon, on va te faire écouter ça dans 30 secondes, alors pas de soucis. On aura aussi, bah voilà, c'est ça. C'est une femme. Attends, on vient l'entendre. Hein. Ah non, c'est pas une femme. Ouais. Mais musicalement, ça ressemble au Amy Winehouse. Ah ouais, un peu, ouais. Oui, bah oui. Bah tu lui diras tout à l'heure. Musicalement. Hein. Tu lui diras tout à l'heure pour voir si ça lui fait plaisir, tiens. Il y a le père d'Amy Winehouse. Elle a rien inventé, quoi. Ouais, ouais. Le monsieur Winehouse qui fait de la musique, qui sort un album. Le mec de Amy. Le père. Putain de merde. Le père de Amy, donc voilà. Bon, Plan B tout à l'heure. Bah c'est ça, il vaut mieux qu'il en gagne un petit peu. Hein. Donc tout à l'heure, Plan B qui seront en direct avec nous. Si vous avez des questions à poser, allez-y. 612, débutez votre message par Énergie avec votre numéro de téléphone ou alors www.emikael.fr. Cliquez sur la communauté, vous viendrez comme ça rejoindre tout le monde sur le groupe Facebook ou sur le Twitter de l'émission, comme Corentin qui est connecté dessus. Il y a Alexis, il y a Edouard également, il y a Joséphine qui sont connectés, Stacy aussi. Il y a Jules, Angélique et puis tous les autres. MIKL.fr en cliquant sur la communauté. Problème du forum du jour, on aura l'occasion d'en parler. Dilemme, je l'ai dit également. On ira faire un tour du côté du Mac du jour. Chérie, je t'ai fait cocu, peut-être ce soir aussi. Hein. Chérie, je t'ai fait cocu ou GAV. A vous de choisir. Quoi qu'il en soit, dans le jeu, il y a du lourd avec du lecteur Blu-ray Philips qu'on peut vous filer. Ou alors la Nintendo Wii. Ou alors l'écran plat 32 pouces. Ah oui, c'est. Attention! Attention. Et puis Prince of Persia aussi, les sables du temps. On a à vous filer des places pour aller mater le film. Le livre d'Eli, DVD ou Blu-ray, que vous pourrez mettre d'ailleurs dans le lecteur Blu-ray Philips si vous le gagnez. Et puis la compil Energy Dance 2010. Voilà, on a fait le tour des cadeaux de ce soir et en moyenne de la semaine. On va s'écouter le répondeur maintenant, hein. 01 40 71 3400. Écoutons ça de suite. Pour écouter vos messages, pressez le 1. Salut Énergie, Faites une bonne fête à tous les Justin et gros bisous à Justin Bieber. Je t'aime. Fin du message. Message suivant. Ouais, bonsoir, c'est Xavier. Je suis remonté comme un coucou contre la journée sans tabac. C'est de la pure hypocrisie. On n'interdit pas aux prostituées de fumer la pipe. Voilà, c'est mon coup de gueule. Fin du message. Message suivant. Ouais, salut. Moi, il y a un truc que je comprends pas vraiment avec les trois Belges de l'équipe, là, Jack, Toff et Mickaël. C'est qu'on est tout le temps en train de vous rabaisser par rapport à la Belgique et tout ça. Et puis, pour une fois que la Belgique, ils sont bons en quelque chose, parce qu'il faut savoir qu'ils sont arrivés quatrième à l'Eurovision, et ben vous en parlez même pas. C'est votre problème, hein, mais franchement, vous êtes un peu con, quoi. C'est tout. Allez, bisous. Fin du message. Message suivant. J'en ai marre, on va être que du centre de la gueule de l'Euro. Et ben, l'Euro, il est plus beau que toi, Mickaël. Alors, peut-être arrête de te foutre de la gueule de lui. Pas tes cheveux, on dirait un balai. Donc, arrête de te foutre de la gueule de lui, puisqu'il est plus beau que toi. Bon, on va faire des cours de français déjà. Ah, mais les nouveaux messages. Voilà, non, mais alors, c'est-à-dire que, effectivement, on n'a pas dit que la Belgique est arrivée 6 ou 7ème, je crois, à l'Eurovision. Mais c'est juste qu'il était deuxième jusqu'à ce que genre l'Azerbaïdjan vote, un truc comme ça. Ah ouais, c'est à cause d'eux en fait que ouais bah c'est pas grave. De toute façon les Français sont jaloux de la Belgique, c'est méconnu. A priori l'Azerbaïdjan il y aurait des trucs bizarres. Selon Omar Harfouche. Mais pas que selon lui, hein, selon même les mecs de la délégation française et tout, bah en fait ils auraient arrosé un peu des gens pour les aider à gagner quoi. Ah d'accord. Ils auraient graissé la patte. Très bien, c'est bon à savoir. Bon du son Usher, on écoutera tout à l'heure avec Will.i.am OMG. Il y aura Timbaland et Katy Perry également. On passera également le dernier son de Eminem avec Not Afraid. Il y aura quoi aussi? Jason Derulo avec In My Head. Du son Rock US également. Et puis bon bah voilà, hein, je crois que si vous avez des trucs à nous dire, n'hésitez surtout pas. On parlera de plein de choses ce soir. Ah, je suis tombé sur un problème du forum du jour. Ça sent mauvais. Ah oui, c'est le cas de le dire. Ah, oh là, c'est scato. Je n'en dirai pas plus. Ah, oui. Mais ça sent mauvais. Ah oui. Voilà, si vous voyez ce que je veux dire. Ça pue quoi. Voilà, c'est un peu ça. Bon, on écoute le premier son ce soir, Shine. Ah non, merde, il y a le C'est qui aussi ce soir. Ouais. Pour moi. Alors attention, écoutez bien, à votre avis, c'est qui? Montrez-les-nous, c'est peut-être notre dernière chance, et ça ne vous coûte rien. Montrez-les-nous. Voilà. Si vous avez une idée, 611-12, débutez votre message par énergie avec votre numéro de téléphone. Tout simplement, et puis bon bah si vous avez la bonne réponse, on vous filera des cadeaux évidemment. Il parle des seins évidemment. Mikael.fr, cliquez sur la communauté ou 612 en débutant par énergie. Mikael, le podcast. Jessica qui est avec nous maintenant du 33 bordelaise. Salut Jess. Salut. Comment ça va? Ça va bien et toi? Bah écoute, ça va aussi. T'as passé une bonne journée? Ouais, nickel. Un bon week-end, enfin même si on est déjà mardi. Un mais très bon week-end. Très bon week-end, bon bah tant mieux, parfait. T'as fait quoi de beau? J'ai baisé. Ah bah pas grand chose, hein. Oui, c'est vrai. Ah aussi? Ah ouais. Bah c'est bien, tant mieux, hein. Ah bah oui, alors, il faut, hein. Ah bah, bah oui, bah t'as raison, hein, c'est clair. Hein. Avec ton mec ou avec un one shot? Avec mon mec. Ah d'accord, ok. Ah, Toff est déçu, tout d'un coup son sourire retombe. Ça m'intéresse plus du coup. Il était déjà sur le site de la SNCF pour un billet de train pour Bordeaux, mais non, malheureusement. Ah bah désolé. Un échec. Enfin, sauf si tu souhaites un plan à plusieurs. Non. Ah, je suis déçu, je suis doublement déçu. Désolé, mais bah, ouais, non. Bah, c'est bon, on te remercie d'être passé, à bientôt. Complètement. Ouais. De quoi? Mon mec me satisfait complètement. Ah, écoute, bon, bah tant mieux pour lui et pour toi aussi d'ailleurs. Bah, tu nous appelais pourquoi, Jess, à la base? Alors, parce que, justement, en parlant de mon mec, il commence à être un petit peu jaloux parce que j'ai un petit souci. Ouais, tu vois, il faut changer. Tu en vois fait, que cette cheveuse, moi, c'est raté. Ouais, j'ai essayé. Hein. Tu vois, ça arrive. En fait, mon problème, c'est que je suis un peu trop exhibitionniste. C'est-à-dire, ça m'intéresse. C'est-à-dire que c'est vrai que je fais pas mal de choses. Donc, au début, c'était surtout pour exciter mon mec. Ouais. Donc ça l'excitait. Alors, attends. Exhibe, c'est-à-dire, exhibe avec ton mec, genre. Enfin, je sais pas si on peut placer les. Non, pas qu'avec mon mec, c'est ça le problème. Ah, d'accord. Ça l'excitait, maintenant ça le rend jaloux parce que le souci, en fait, c'est que j'aime être vue sans forcément voir. Bah, viens à la radio. Bah ouais, non. T'inquiète pas, on te mettra on te mettra, un dans, un, on te mettra dans un cube, dans un cube avec des, tu sais, des vitres sans teint. Non, voilà. C'est un bon truc ce que vient de dire Toff. On va la mettre devant un miroir. Ouais, derrière le miroir, nous, en espérant que le reflet vienne jusqu'à nous. Bah non, mais vitres sans teint. Bah oui, les miroirs sans teint, où? Je t'ai aidé là ou t'étais dans la mer tout seul? Je l'ai aidé. Derrière une vitre. Ça me paraissait. Bah non, une vitre, elle nous voit, elle veut pas nous voir, donc faut bien qu'il y ait un miroir. Ouais, c'est pas obligatoire. Elle a dit qu'elle préférait. Je préfère, oui. D'accord, je voulais l'aider. En ayant en fait la petite excitation du style où je me dis, je pense qu'on me voit à cet endroit-là. Moi, je vois pas. Des fois, je peux voir les gens, mais je préfère quand je les vois pas, parce que c'est encore plus excitant. Et eux me voient. Alors, il y a encore un truc encore plus simple. Tu nous envoies une photo, hein. Michael@energie.com et puis on te verra, tu nous verras pas. Et... Oui, alors est-ce que t'es sur Facebook? Ouais, ou alors est-ce que t'es sur Facebook? Ou alors Skype ou MSN, j'en sais rien. Moi, ouais, j'ai toujours... mais bon, bref, c'est pas ça. Non, elle a pas envie de. Voilà, de ah merde. Ils ont inventé Skinbook, c'est le Facebook pour les nudistes. Skinbook? Ouais. C'est quoi cette blague? C'est vrai, ça existe vraiment? Oui. Toff, t'es pas dessus, toi? Non, moi je suis sur Sexbook, je peux pas être sur tous en même ouais, temps. Ouais, oh, bah bon. Skinbook. Alors, je suis pas nudiste, moi, je me balade pas à poil. Hein. Skinbook.com. Heureusement pour les gens. Je sais pas, tape juste Skinbook si tu veux. Après, exhibitionniste, c'est pas forcément nudiste non plus. Hein. Moi, je suis pas nudiste. Non, mais je suis entièrement d'accord avec toi. Mais toi, tu veux. Moi, j'aime bien, par exemple, du style. Bah, je suis assez sportive, donc je vais souvent chez Decathlon. Ouais. Pour pas citer le nom, pardon. À fond tes formes. À fond. Ah, on dit comme ça en Belgique? Mais non, c'est à fond la forme, mais elle, c'est à fond ses formes. Eh, ça va être super dur ce d'accord, soir. Ah, d'accord, ok, d'accord. Wow. On dit comme ça, tu vas pas prendre chaque fois mes vannes. Mais non, mais. Eh, Micha, t'as pas un magazine ou un truc là? Je savais pas que c'était une vanne, je pensais que tu te trompais dans le. Non, c'est bon ça. À fond ses formes. Bah oui, ses formes, puisqu'elle va à poil. Bon, bref, vas-y, continue alors donc. Et en fait, j'aime bien essayer du style des maillots de bain ou quoi, puis j'ai toujours un petit peu le rideau ouvert. Tu vois? Parce que je me dis là-bas, il y a souvent des sportifs. Ouais, moi je fais les sportifs du dimanche. Ouais, ouais, les sportifs voilà. Du dimanche, hein. Crois pas non plus que tu vas rencontrer oui, mais des bon, mecs. Oh, tu sais, j'en ai vu déjà. Moi j'achète pas jamais rien, mais je passe 1000 ans dans la cabine d'essayage à mater les meufs. Ah ouais? Ouais. Mais contrairement en général, les cabines de Decathlon elles sont quand même. Putain, Etoff, t'as vraiment des week-ends de merde. Ah bah attends, mais ils s'éclatent les week-ends là. Là, tu lui as changé la vie hein, en l'invitant à ta soirée. Hein. Ah, ça a changé pour moi. Ouais. Il va vraiment finir pervers sexuel. Et... Bah, il a attendu dans les chiottes toute la soirée que quelqu'un arrive quoi. Oh, c'est ça qu'on l'a pas vu. Bah voilà. J'avais placé une caméra. Ah, génial. Donc, il est capable. Ah ouais, capable, ouais. Capable. Tu l'as enlevé ou pas depuis? Ah bah oui. Ah. J'ai pris en partant. Ah, c'est dommage. Puis je me suis branlé tout le week-end. T'aurais vu Michael qui fait caca. Oh merde, j'ai eu cette chance. Non, ça c'est les parties que j'ai coupées. Ah bah, tant mieux, hein, parce que j'avais la chiasse depuis ce matin là. Merci. Bon appétit. Non, mais c'était la petite information. Ah c'est pour ça qu'on t'a pas vu pendant 4 heures. Ah non, là j'étais en train de regarder Nat Geo, là il y avait un truc sur New York avec une tour et tout. Un qui tombe et un avion. Ah non, qui s'écrase, non, qui meurent. Non, pas du tout, c'est pas ça, c'est pas ça. Quoi que j'y avais eu, j'aurais regardé. Ah oui, des gens. J'aurais peut-être même enregistré. Et je l'aurais remis ce soir en rentrant. Qui sait? Et après c'est moi qui pas de vite. Ouais, bon Jessica. Oui. Bon alors donc concrètement tu cherches quoi de. Qu'est-ce que tu cherches comme aide? Qu'est-ce que tu voudrais qu'on te. Bah non, savoir s'il y a d'autres personnes qui sont dans le même cas que moi, qui ouais voilà. Oui, voir ça, à mon avis, que leur partenaire peut dire, si c'est normal que mon mec soit jaloux, s'il y a d'autres personnes dans ma situation. T'as les stripteaseuses qui sont exhibes finalement. Ah ouais, mais elles c'est juste un métier. Oui, mais ça part de l'exhib. Oui, après oui. Mais c'est belle, elle se montre. Oui, bon, bah, en même temps, elle a une autre forme. Non, parce que elle se montre vraiment, les gens la voient, elle le sait, elle est payée pour ça. Voilà. Elle, c'est vraiment son kiff. Elle aime bien que les gens la voient, mais elle aime pas trop que. J'aime pas trop les voir. Je voilà, t'aimes pas le regard. Voilà, tu aimes bien imaginer que quelqu'un te regarde, mais t'aimes pas voir le regard du mec qui est en train de baver là. Voilà. C'est pareil, elles sont dans les boîtes, elles les voient pas les mecs, heureusement pour elles d'ailleurs. Bah, si, hein. Sinon elles arrêteraient. Hein. Bah, les stripteaseuses. Les lampes dans la gueule et tout, je sais pas. Elles ont les spots sur elles, attends, tu vois pas les gens. Non, c'est celles qui font du lapdance qui les voient, qui sont bien obligées de les voir. Et attends, parce que moi je suis allé dans une boîte à striptease avec Polo quand on était à Los Angeles qui s'appelle. Merde, putain. De quoi le Body Shop. Body Shop. De Body Shop. Et je te jure qu'il n'y a pas beaucoup de lumière. Les stratégistes, elles te voient. Hein. Ah, voient les gros porcs. Ah, elles voient tout et tout ce que tu veux. Elles viennent même jusque sur tes genoux essayer de gratter un verre. Et Polo, il a fait le beau. Il a fait le beau là-bas. Tu sais, tout le monde mettait des dollars. Il a mis un dollar. Ouais, bien fait, il avait pas mis. Un billet. Oui, bah. Ouais, mais je l'ai connu, Polo, je l'ai connu plus. Bah ouais, plus dépensier, plus dépensier ouais. Bah ouais, bah là, non, en fait, il a mis qu'un seul billet. Pardon. Et puis surtout. À un moment, je me suis dit, tu sais, il était 3h du mat, il y a un moment, j'en avais marre. Donc je dis, bon, bah écoute, moi je rentre, c'est moi qui avais la voiture. Donc lui n'en avait pas, il me dit, Non mais je te rejoindrai, je me démerderai, je prendrai le taxi, je verrai. Ouais, pour rester tout seul là-bas. Il est rentré. Ah, il s'est tapé une danse est... perso, je pense. Ouais, ouais, je pense. Il est rentré. Ah, il est reparti avec le numéro de téléphone, surtout. C'est... Ouais, non, c'est je pense encore pas, autre chose, non. Ça. Ah, c'est encore autre chose. Il est rentré à 9h. Du matin ? Oui. Ah, c'est pas une danse qu'il a fait, là. Il a flingué la dernière journée qu'on avait à Los Angeles, puisqu'il a dormi toute la journée, oui. Forcément. Mais dis-toi qu'il avait de très bons souvenirs. Ça reste à voir encore. Hein. Ça reste encore à prouver. Si il rentre à 9h. Ouais, alors, il est très mauvais, quoi. Oui, c'est oui, possible après... aussi, ceci. Ou dit, alors, mais... il a cherché une pute dans tout le quartier pendant 1000 ans, quoi. C'est possible qu'il ait pas réussi à serrer à ce moment-là. Je sais pas. Bon, écoute, Jessica, reste avec nous. Ouais. On va voir si effectivement il y en a d'autres qui sont justement aussi exhibes. Des autres ou des mecs. Les mecs aussi, hein, qui peuvent être exhibes. Ah, bah, oui, 6-11-12. Ouais. Débutez votre message par énergie avec votre numéro de téléphone. Mickaël.fr également. Il y en a qui ont eu des tendances exhibes ici à un moment ou à un autre, pas, non pas abusé. Ah, je sais pas, non mais quand je dis exhibe, c'est pas se balader à poil, mais tu vois, t'es effectivement dans la cabine des CH, tu vois qu'il y a un petit petite pente. C'est stressant, je trouve. Et tu l'es ouvert exprès, quoi. Ouais, je sais pas. Non, je sais pas. Non, exhibe jamais, enfin jamais. Mateur, dans... ouais, exhibe, non. Non, mais je veux dire jamais dans le but de montrer, mais voilà, ça m'est arrivé de me faire surprendre ou de me mettre dans un endroit où c'était possible que je me fasse surprendre. D'accord. Genre dans ton salon, quoi. Non, genre un ascenseur. Tu vois. Ah oui, donc t'exhibes, excuse-moi, mais. Attends, mais non, c'est pas attends, exhibe, parce que attends, le nombre de photos de ton cul qu'il y a sur Mickaël.fm, c'est pas pareil. Ouais, c'est vrai. Attends, parce qu'il y a une différence. Il dit non, je suis pas trop exhibe, c'est-à-dire que. Non, pas chez moi ou dans une cabine d'essai. Dans un ascenseur. Parce que chez toi, tu peux te balader à poil. Oui, dans une cabine d'essai, t'es à poil. Voilà. Mais t'es dans un ascenseur. T'es pas exhibe. Qu'est-ce que t'as foutu dans un ascenseur à poil ? J'ai baisé dans un ascenseur, j'étais pas à poil. Quel ascenseur ? Ah, oui, d'accord. T'as un ascenseur, me pose pas des questions. Celui de la radio ? Non, pas celui de la radio. Celui d'Énergie Belgique. Pas celle-là. Voilà, celle-là. Oh, quelle horreur. En plus, t'avais le temps, hein, parce que c'est-à-dire que pour monter du 0 au 5ème, il fallait 2 jours. Hein. Ah, voilà, mais toi, tu fais prendre ton matelas et tout, tu dormais. Ce qui est bien, c'est que si tu ouvres un tout petit peu la porte, il restait bloqué, donc là, t'étais bien. Ah ouais, t'étais super. Et puis après, on est en panne. T'as le concierge du bâtiment qui débarque et je me souviens très très bien du mec. Ça te coupe toutes les envies. Ah, ouais. Surtout l'odeur. Vous avez touché la barre qui est dans l'ascenseur depuis ? Non, il n'y avait pas de barre, je pense. Ouais, donc ça va. Il y avait un miroir. Il y avait un miroir, ouais, c'est vrai. Mickaël, le podcast. Dans quelques instants, Jessica aussi, qui est un petit peu exhibe, et donc elle voulait savoir s'il y en a d'autres comme elle, puisque son mec au début, ça l'excitait un petit peu quand elle le faisait pour lui. Sauf qu'elle aime bien aussi se faire voir par d'autres, sans pour autant aller plus loin. Mais donc lui, par contre, ça le rend légèrement jaloux. Donc elle voulait des conseils. On va en reparler tout à l'heure. Avant ça, nous avons maintenant le Sarco Game avec Ludo et avec Bastien. Bonsoir Ludo, bonsoir Bastien. Salut Mickaël, salut à toute l'équipe. Comment ça va ? Ça va bien vous ? Bah oui, ça va bien, ouais, tranquille. Bon alors Ludo, t'appelles de Vittel dans 88 ? Ouais, c'est ça, ouais. Et Bastien, 22 ans, de Huy en Belgique. C'est bien ça, ouais. Parfait, très bien. Donc j'ai entendu la vanne idiote de Micha tout à l'heure dans le bureau qui disait « Bon, on t'appelle vers 21h20, heure française ». Très drôle, très drôle. Qu'est-ce qu'il est con alors, mais c'est dingue quand même d'être bête à ce point-là. Ouais, mais enfin, c'est parce que t'habites à Huy. Bah, et alors ? Bah... H-U-Y, ah oui. Ouais, oui. C'est ça. Oui, bah oui. Oui, voilà, je sais, oui, tu viens de le dire 3 fois. Bah oui, oui. Ah, 4 fois. C'est drôle, ça y est donc. Bon, on va jouer. Si on était français, t'en aurais fait 5 minutes. On va jouer, c'est pas vrai, c'est faux. C'est faux, c'est totalement faux. On va jouer donc au Sarco Game, on va saluer Nicolas qui est avec nous comme tous les soirs. Comment ça va ? Bonsoir Mickaël, ça va bien ? En pleine forme ? Je suis un peu étonné que personne ne me félicite aujourd'hui parce que vous êtes toujours en train de regarder des matchs de foot dans le studio et c'est un peu grâce à moi que l'Euro va se passer en France. Oui, oui, il a ramené ça à lui. Hein. Oui, vous ramenez ça à vous, oui. Vous avez raison. Mais le problème, c'est que vous serez plus là en 2016. Oui, c'est ça. Vous savez ce que c'est une dictature, Mickaël. Oui, je sais bien ce que c'est, ouais, mais... mais bon, il y a quand même peu de chances que vous soyez là, avouez-le quand même, non ? Vous savez, je suis immortel. Ouais, mais c'est pas ça, mais c'est-à-dire que par rapport à votre femme, elle veut plus que vous soyez président, donc au bout d'un moment, vous allez l'écouter. Oui, ma femme, vous savez, hein, les femmes, ça tourne. Ah, très bien. Bon, rentrons pas dans le détail. Bon, vous allez accueillir Plan B dans le studio. Moi, à l'Elysée, j'accueille Plan Q. Eh ben, si vous voulez, il y a pas de problème, Nico. Vous pouvez rester tout à l'heure hein, pour voir si c'est la même chose que le Q ou le B. Hein. D'accord. Bon, n'hésitez pas. Bon, Ludo, tu veux jouer avec qui ? À savoir que tu peux également choisir Micha. Bien sûr, il s'est bien gardé de te le dire. Ah oui, ça me l'a pas dit en effet. Ah. Alors, Ludo, tu aurais bien aimé jouer avec Micha. Ludo ou Bastien, il y en a des deux qui veut jouer avec Micha ou pas ? Non, ça va. Non, et toi Ludo ? Non. Très bien, t'as de la chance. À vrai dire, j'ai un fantasme. C'est-à-dire, te baiser Micha ? Oulala. C'est de prendre Sandro. Me prendre, c'est-à-dire. De prendre, c'est-à-dire pour jouer ou contre un mur? En fait, les deux, mais là, on va dire c'est pour jouer quand même. Là, c'est pour jouer quand même. On va éviter le sens figuré alors. Oh, écoute, on verra. Non, je connais pas, mais. Disons qu'elle sera peut-être, elle sera peut-être plus ouverte si tu ne lui fais pas prendre de décharge. Ouais, mais je vais tout faire pour. Hein. Oui, ah bah j'imagine bien. Ouais. Une méthode de drague. On va. Ah super. Allez bah, bien. Écoute, tiens, garde là, tu vas loin. Avec... écoute, écoute. Et toi, Bastien, tu veux jouer avec qui? Je vais prendre toi. Je vais rester entre Belges. Eh bah la Belgique represent. Oh, quelle horreur. Bon, on va jouer. C'est une bonne idée, hein. On va jouer au Sarko Game. Je vous rappelle les règles du jeu, qui sont ma foi très très simples. Je vous pose des questions en rapport avec Sarko ou rapport avec le monde des people. Il faut être le premier à donner la réponse. Si la réponse est bonne, bravo, c'est vous qui prenez le point et c'est l'équipe adverse qui prend une décharge. Si la réponse est mauvaise, l'équipe adverse à ce moment-là peut se consulter pour avoir la réponse plus facilement. D'accord? Ok. Okay. Et il faut impérativement prendre la main un moment ou un autre. Si vous ne prenez pas la main, je forcerai l'un de vous deux à répondre. Ok? Pas de problème. Arrête, ça très va. Bien. Faisons le test. Alors, attends. Ah bah on vient de le faire. Hein. Moi ah ça oui, marche. Mais, c'est non bon. Mais j'ai pas validé le lancement. J'ai pas validé le lancement du test, donc il n'est putain, pas bon. Tu me saoules. Comment? Non rien. Ou deux bon. Alors. Oui. Ah, arrête. Là, mettre, arrête. Double test. Arrête. Voilà. Voilà. Chez Toff maintenant pour voir, parce que j'ai peur que ça ne marche pas bien. Doucement. Non, non, doucement. Non, doucement. T'avais pas mal. Si, mais parce qu'en fait le truc il est venu après. C'est pas. Oui, oui. Arrête. Ouais. En fait mais... ça vient après. Oui, oui. Que... Arrête. Deuxième effet qui se coule. Et attends, attends, attends. Ce qui serait bien, je dis ça c'est parce qu'il reste un mois d'émission et que un changement pourrait être bien, c'est que il y aurait le courant tout le temps et quand la réponse est bonne, ça s'arrête. Ah, putain, un peu. Ouais, ouais, on peut faire ça. Ça va pas. Je pense ça va être un peu cacophonique par contre. Ah, le but est d'arriver à répondre le plus vite possible. Hein. Ça se voit que tu joues pas toi. Ouais, hein. Mais alors il faudrait que les animateurs puissent répondre quand ils peuvent, quand ils veulent quoi. Ouais. Non, ah non, oui, non, oui, non, même, sûr, même non, on fait pas ça. C'est vrai, c'est vrai. Écoute, je vais réfléchir, on va voir. Bon, Ludo et Bastien, on y va, première question. Dans quelle grande ville de France se trouvait Nicolas Sarkozy aujourd'hui? Bastien. Bastien. Bruxelles. À Nice, bonne réponse. Décharge pour Sandro. Oh là là, quel bien cinéma joué, Bastien, bien joué. Quel ouais. cinéma. Bastien, bonne réponse. Il était à Nice, ma mère, effectivement. Pour le 25e. C'est une décharge, c'est pas deux. Pour le 25e sommet France-Afrique. Donc, qu'est-ce que vous foutiez à Nice? Vous êtes déjà de retour en plus, ça qui est bien. Bah, Nice, un peu l'Afrique, hein, j'étais pour le sommet. Oh non, Marseille. Pff. Ouais, enfin bon, n'abusons pas. C'est pas, dans le sud, on va dire. Oui, bah, c'est dans le sud. Vous n'aimez pas le sud alors? Non, je préfère le nord. Bien au nord, Bruxelles, j'adore par exemple. Ah bon, ah bah, très bien. Belle ville de France. pas encore, mais ça ne serait peut-être ouais, tardé. Hein. Hein. Mais alors, qu'est-ce que vous allez faire, Nico, si par exemple la Wallonie et Bruxelles est rattachée à la France? Est-ce que Bruxelles deviendra la capitale de la France? Bon, non, possible. Mais ce sera un chef-lieu de région. Ah, une petite d'accord. ville coquine. Non, parce que du coup, la capitale de l'Europe, elle va être où alors? Oh, vous savez, moi, je pense que Paris est pas mal en capitale de l'Europe. Ah, mais non, c'est déjà assez cher comme ça. Ah oui, enfin bon, merde. Mais vous allez voir, la Belgique sera un vrai pays développé quand elle sera en France. Oui, c'est ça, vous avez raison, vous avez raison. Quoique, je verrais bien, hein, Paris, province. Ouais. Ville de province. Oui, ça t'avancera à quoi? À rien, juste à claquer le bec de... Ça n'arrivera jamais, hein. De ces grandes gueules. Non, je sais que ça n'arrivera jamais, mais ce serait drôle quand même, hein. Oui, Paris, ce serait pareil que les autres. Mais c'est pas une question de capitale, hein. C'est pas pour ça qu'on aime Paris, c'est parce que la ville est belle. Après que ce soit une capitale c'est encore mieux, mais bon, ça change pas trop notre vie quoi. Il y a de la vie tout court aussi. Il y a de la vie tout court à Paris. Ah, oui. Trop de vie, hein, ça c'est oui. C'est beau ce que tu viens de dire, dis donc. Ouais, ouais, bah, il veut être élu. J'attendais hein. après, mais non. Bah non. Allez, question suivante et 1-0 pour Bastien. Donc, pourquoi Lady Gaga a-t-elle dépensé 4 000 € juste avant son concert à Londres? Ludo. Parce qu'en fait, elle a fait venir un chasseur de fantômes. Effectivement, bonne réponse. Décharge pour Toff. C'est bien lui. Ah oui, c'est ça. Je regardais. Donc c'est vrai, effectivement, pour faire exorciser la scène, hein, ou pour chasser les fantômes de la scène, parce qu'elle est perturbée, elle a peur qu'il y ait des fantômes partout. Voilà. Ah là là. Eh ben 2-0 pour l'instant. Ouais. Score serré, mais grâce aux auditeurs. Ça change. C'est ouais, vrai, c'est rare. C'est vrai. Ouais, ouais. On a de bons candidats. Ah ouais. Jouer encore là. Ah ouais, c'est vrai. Là par contre, vous allez galérer. Quoique, non, ça va, c'est facile, c'est l'actu. Quel sportif s'est jeté ce week-end du premier étage de la Tour Eiffel et n'a eu aucune égratignure? Bastien. Ty Chris. C'est pour moi. Bonne réponse. Décharge pour Sandro. Ah Et puisque vous avez l'air d'être tellement bon, on va faire cette question. C'est bon pour une fois qu'il non, se c'est intéressant, j'aime bien. Ça nous apprend la culture. T'as 2-1 pour l'instant. Parfois je fais 5 questions, parfois 4, parfois 3, ça dépend. Là vous êtes tellement bon. Pardon, Bastien. Ouh là là, j'ai entendu. Non, il a rien. Il a rien dit. Attends, il a déjà gagné. Il faisait quoi comme sport, Tigris là? Roller. Ah d'accord. Et là il saute. Il est sauteur maintenant. C'est un peu con. Hein. Ouais, mais c'est con. Ouais. Et bon. Surtout qu'il l'a pas vraiment réussi. Hein. Non, il s'est écrasé deux fois. Hein. Ouais. Non. Et en fait, il s'est pas écrasé. Mais la première fois il a sauté, genre il a fait, je sais pas, une connerie, 6-7 mètres, il est tombé. Oui, mais en fait il y avait des lignes sur le truc. Et il devait arriver, en fait il devait tomber sur la rampe avant une certaine ligne et il devait être debout entre cette ligne-là et la suivante. D'accord, okay. Bon, allez, 2-1. Quel ancien top modèle français joue des scènes très hautes avec Rihanna dans son dernier clip Te Amo? Ancien top modèle français? Ouais. Je sais pas. Une idée. Au hasard. Ludo. Tu peux l'aider ou pas? Ah non. Quand tu fais au hasard, on a le droit de jouer à deux? Ah non, pas encore. Il joue avec qui, Ludo? Ludo. Ben vraiment aucune idée, mais on va dire la femme à Sarko, mais c'est pas ça. Tu vas la mettre en veilleuse toi. Hein. Ouais, c'est ça, un peu de respect quand même, merde. Ouais. Bon, et ben mauvaise réponse, décharge pour Sandro. Bon alors toi, alors Roux, qu'est-ce que t'attends là? Ah j'attendais, je la faisais languir. Voilà. Tu peux te concerter Bastien avec Toff. C'est Laetitia Casta. Je pense que c'est Laetitia Casta, ouais. Ah oui, t'as le temps de changer sur internet. Laetitia Casta, bonne réponse, décharge pour Sandro. 3-1, match plié. T'as dit ex-top modèle parce qu'elle a pris un coup de vieux ou? Bah parce que c'est. Ah bah pas dans le clip. Ex-top modèle, qu'est-ce que tu joues? Elle l'est plus, elle l'est plus. Voilà, c'est tout simplement pour c'est ça que. Une actrice. Voilà. Oui. Bravo Bastien. Ah, c'est parfait. C'est un modèle pour les dentistes aussi. Eh ben écoute, avec plaisir. Alors tu peux choisir, puisque franchement vous avez bien joué aussi. Pour le coup. tous les deux. Ludo, on va te filer un petit cadeau quand même, parce que vous avez bien joué. Et puis Bastien, tu peux choisir. Qu'est-ce que tu veux? Déplacement et les Sirius. Ah non, ça, c'est maintenant. C'est maintenant là. Lecteur Blu-ray Philips, Nintendo Wii ou voilà. La Nintendo Wii hein. Eh bah la Nintendo Wii, comme ça on t'envoie ça à Wii directement. Ah bah, okay. C'est drôle ça Michael. Merci beaucoup. Oui, enfin, je peux faire ce que je veux, je fais une vanne sur la Belgique. Et alors? Étant belge, je peux le faire. N'importe quoi. Si. Non. Ça ne sera pas pris comme une attaque. Il y a une dérogation. Non, c'est voilà. De la discrimination positive. Exactement. Mais ça reste de la discrimination. Bon, Bastien, salut à toi, Ludo, merci salut beaucoup. À toi. Vous revenez quand vous voulez tous les deux, ok? Ok. Merci beaucoup, à la prochaine. Ludo, raccroche pas et quand t'as Michel au téléphone, dis-lui bien que je t'ai dit que t'avais un cadeau. Hein, parce qu'il va dire Oh bah oui, je n'ai pas le temps. D'accord, y'a pas de soucis. Donc insiste, hein. Mais okay. Dis-lui directement, sinon ça va pas le faire. Mais même si je le dis, ça va pas le faire. Ouais. Salut déjà, Ludo, salut Bastien. Longtemps. Ciao. Salut. Oui, déjà il est là, effectivement. Non, pour une fois, pour une fois, il n'est pas en pause. Regarde, Micha, c'est un vrai trou du cul, c'est vrai. C'est vrai. Ah si il a vu là, donc il a entendu. En fait il a une liste tu vois avec des mauvais mots. Hop et dès que ça s'entend, tac, ça lui fait quelque chose dans le cerveau. L'oreille c'est active. J'écoute l'émission, faut pas croire. Ouais. Sinon quand vous jouez au Sarko Game, je vous supporte pas. C'est ça. Il a gagné un cadeau. Hein. On n'est pas la vraie qui joue demain. Hein. Le perdant a gagné un petit cadeau. Non, mais ils veulent pas de moi les auditeurs, j'ai bien compris. Si, t'inquiète pas, ça va venir. Petit à petit, ça va venir. Bon, Nico, on va pas vous déranger plus longtemps. Ben écoutez, y a pas de problème. J'espère juste que demain on pourra jouer avec Micha. Ah bah écoutez. Quel est le programme de demain, Nico? Ben donner des décharges, mais à Micha. Non, mais. Mais vous, dans la journée, je veux dire. Ah, dans la journée. Préparer le taser pour Micha. Mais il a rien à foutre. Président, il n'a rien à branler. Ouais. Ben, je reviens de Nice, là, j'étais bien. Oui, je sais, ouais. Bon, c'est pas grave. Petit mot pour les joueurs français après cette belle victoire ce week-end. J'espère qu'ils vont aller. Oui, je sais, oui, c'est ce que je disais. J'espère qu'ils vont la mettre au fond, mais du but. Oui, ce serait bien. Voilà. Le reste, ils savent le faire. Ça c'est sûr. Mais on s'est dit peut-être avec Zaya dans le. Oui, mais ça va les motiver. Il faudrait qu'elle se mette derrière les buts, en fait, comme ça. Peut-être. C'est une idée. En tout cas, j'ai vu votre femme qui parlait très crûment à la télé. C'était elle. Oui, c'était une ancienne interview télé qu'elle avait faite et donc elle demandait à Jean-Paul Gaultier s'il savait dire comment mettre les doigts dans le cul en allemand. Si j'avais su ça, je vous prie de croire que je me serais pas marié. Bah, vous l'avez déjà fait, vous avez déjà censuré hein, la vidéo. Non mais Carla. Oui, bon, on a un compris. Charme. Bon Nico, on vous dérange pas plus longtemps, revenez quand vous voulez. Hein. Ok, bah, allez. Demain. Ah bah demain, on va plutôt faire ça comme ça. Mickaël, le podcast. Et puis on va parler de dilemme maintenant. Mais oui, dilemme. Il s'est passé visiblement pas mal de choses au dire de Toff. Écoute, bon, forcément, comme il y a eu qu'une journée, il s'est passé moins de trucs que sur tout le week-end, mais il continue à se passer des trucs. Hein, donc, ouais. Donc en plus, ce soir, c'était la soirée des désignations, nominations, éliminations, enfin du truc où ils choisissent qui s'en va. D'accord. Parce que je ne suis pas encore bien fait à toute la terminologie dilemme. Et donc comme il y a déjà deux... C'est compliqué dilemme, hein, parce que quand on a l'habitude, enfin quand on avait l'habitude du Love, de la Starac, t'es des nominés, en fait ils ont changé tous les noms pour pas qu'il y ait de ressemblance. En fait c'est un petit peu le Love Story du pauvre quoi. C'est ça, mais c'est complètement ouais. ça. C'est le Love Story du pauvre, mais avec des trucs vraiment dégueux pour. Bah c'est de la vulgarité. D'après ce que j'avais vu à gauche à droite sur internet, c'est vraiment le summum de la vulgarité. Je suis pas d'accord avec ça. Ça c'est les réactions des vieux qui regardent le truc. Ouais. En fait c'est des jeux de gamins quoi. C'est des trucs qu'on pourrait faire entre nous comme ça dans le bureau. Tu vois qu'on pourrait. Oh, je t'emballerais pas pour 500 euros. Hein. Non, tu m'emballerais pas pour 500 euros, mais je reste quand même s'il y a un billet de 500 là sur la table. Non, emballé. Non, avec la langue, non. Ouais, smack, ouais, d'accord, mais bon t'avais eu quoi en échange de ce que t'as inséré dans Toff avec ah ouais, mais c'est gants. Pareil. T'as eu quoi en échange Parce que je te rappelle qu'il a pu aller à un match de foot en mettant ton doigt dans son cul. Oui, je mais vais dire comme ça. Mais voilà. Oui, mais ça fait quoi ça entre 20 et 40 euros quoi. Ouais. Voilà. Ouais, mais avec des gants. Ah, oui, si je mets une capote sur la langue, je t'emballe. Hein. Ah, vas-y. Non, mais pour de l'argent. Non mais enfin voilà pour dire qu'en fait c'est pas si dégueu, si terrible que ça, c'est juste que c'est des jeux de gamins et tu dirais que c'est des gosses qui écrivent les dilemmes quoi. Ah bah c'est possible, comme ça leur coûterait moins cher. Mais parfois je me demande parce que c'est vraiment des trucs voilà qu'on pourrait faire nous comme pour se marrer dans le bureau. Moi je mettrais pas une jupe transparente avec les seins à l'air en me dandinant comme une teupue hein, ça. Y a pas tu as raté cette Cindy. Scène. Ah non, alors si non ça c'était pas un gage, elle l'a fait volontairement. Ah c'est encore oui, bah c'est mieux. C'est encore pire. Non, c'est pas, elle est là pour ça aussi, j'imagine. Ouais, mais voilà, c'est pas tout le monde qui ferait ça, c'est pas vrai. Non, mais je retire le mot pute parce que c'est pas gentil. Non, t'as pas dit pute, t'avais dit tepu. Tepu, ouais. Oui, c'est mignon, vrai. Ouais, hein. Ça va mieux, ça. Oui, c'est la version mignonne de pute. Ouais, voilà, c'est ça. C'est le mot plus gentil, on va dire. Moi, je parlais des dilemmes. Hein. Je parle pas de ce qu'ils font spontanément. Hein. Ça, après. Oui. C'est. Donc ouais. Donc comme il y avait déjà deux meufs qui se sont barrées, puisqu'il y a Sarah qui est sortie éliminée et Ophélie qui s'est barrée toute seule. Du coup, les mecs sont surreprésentés par rapport aux meufs. Donc cette semaine, c'est d'office deux mecs qui doivent sortir. Les filles sont immunisées. Voilà. Le mec il change vraiment les règles il change les règles comme ça les amuse. Ouais, bon, j'ai raison. Mais avant de commencer à parler de dilemme, je voulais qu'on reparle un petit peu avec notre ami Dominique Damien Réel hein, qui donc il s'appelle Dominique Damien ou Réel. Dominique Damien Réel. Alors c'est Dominique Damien Réel, il n'y a pas de trait d'union, il n'y a rien, c'est. Donc après, c'est que son prénom en fait. Voilà, c'est que son prénom. Après il y a encore deux machins qui continuent. Non, c'est pas vrai. Je sais. Tu sais pas. Non, je sais pas du tout qu'est-ce qui est son. Dominique, a priori, c'est son prénom. C'est son prénom, pardon. C'est dur. Hein. C'est pas mal ce mot. Prénom. Son prénom, ouais. Le reste, a priori, c'est son nom, j'en sais rien. Donc, il présente Génération Mannequin sur NRJ 12 et c'est une émission qu'on ne peut absolument pas comparer à Dilemme, n'est-ce pas, Dominique? Ces candidats qui sont là enfermés. Voilà, c'est le concours du meilleur paix, le concours du meilleur je sais pas quoi, et badigeonne le studio avec de la nourriture. Mais c'est quoi ce bordel? Mais c'est une honte. Oh, voilà. Qui va loin, quoi. Et comme je le disais hier, donc ça devient de plus en plus hardcore dans le cube. Hein. Donc c'est la villa, le loft, enfin vous appelez ça comme vous voulez, la maison où ils sont enfermés. Et donc même David Lantin, parce que pour la première fois la prod a mis un mec à eux directement dans le jeu. Hein, donc un mec qui peut pas être éliminé, qui sera là jusqu'à la fin. Et ben même lui, il commence à se demander s'il va rester jusqu'à la fin. Je me demande si je vais réussir à tenir encore les 50 et quelques jours qu'il me reste à tenir. Parce que 50 jours, putain. Pourquoi il se fait chier? Non, parce que c'est des oufs en fait, ils sont complètement barrés. Mais qui, les mecs qui sont à l'intérieur? Les mecs qui sont à l'intérieur, ils arrêtent pas de lui faire. Et en fait, ils lui mènent la vie super dure, ils lui font la misère tout le temps. Et donc il a... Mais genre méchant ou... Non, c'est pareil, c'est des délires de gamins. Genre, tu vois, ils le mettent dans la piscine, il lui planque ses affaires, il peut pas se taper vu que c'est le... Et ouais, lui, il peut pas s'embrouiller, donc... Ouais. Donc voilà. Alors on va commencer avec le jeu du jour qui va bien foutre l'aine à toutes les meufs. Hein. Donc chaque équipe devait estimer le poids de son clan. Le poids en kilos bien sûr. Et donc pour vérifier ça, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont amené une balance et tout le monde a dû passer sur la balance. Les filles comme les mecs. Alors déjà, bon, pour vous rassurer, les mecs, il n'y en a pas un au-dessus de 80 kilos. Hein. Ah ouais. Pas un au-dessus. Au-dessus de 80 kilos. Si, il y en a un, il est bien balèze. Ouais, bah il fait 78. Ah d'accord. Ah ouais. Et alors, le truc pour bien foutre la haine, les meufs. À votre avis, quel est le poids maximum chez les meufs? 50? Non, rien. 70. 62 kilos, c'est Caroline la plus lourde. Putain. Et Marie a le record avec 46 kilos. 46 kilos. 46 kilos. Ouais. Mais elle est grande ou pas? Parce que 46 kilos, je me souviens plus de sa tête. Non, elle est pas très grande, elle est super 46 maigre. Kilos, si tu fais 1m50, c'est pas énorme. Non, elle est pas très grande, mais elle est super super maigre. D'accord. Bon, d'accord. Donc c'est elle qui a le record, comme quoi il fallait pas être très très gros pour rentrer dans Dilemme. Hein. Non, bah c'est ça en fait. Hein. Heureusement qu'il prenait des grosses, des nains, des grands. Enfin, il prenait tout alors qu'au final c'est tous des maigrichons. Ouais, alors que ça aurait été drôle s'ils avaient dû estimer le poids de la grosse, du nain. Enfin, ouais, alors, ça aurait été drôle ça. Mais non. Alors donc je rappelle que j'ai promis un cadeau au premier qui m'apporte la preuve que ça a baisé dans le cube. Et là, on va écouter un son. À votre avis, qu'est-ce qui se passe dans le cube? Oh chérie. Elle fait du sport. Elle fait du sport. Ouais. Non. Ah putain, vous êtes forts les gars. Ah. Alors, elle fait du sport. Non, il fait du sport, s'il vous plaît. Ah oui, pardon. La preuve. Qu'est-ce qui se passe? Oh, j'ai fait du sport. Pour 3 semaines. Ah oui, c'est fait le mec. Oui, c'est Florian qui a fait du sport pendant 10 minutes et donc elle est crevée pour 3 semaines. Mais comment on peut avoir une voix si féminine? Bah si le mec c'est son but c'est d'être féminine, enfin tu vois, c'est d'être une fille. Tu peux pas changer ta voix. Non mais tu peux jouer, tu vois. Ouais. Enfin bon, voilà. C'est la grande folle du cube, hein. On D'accord. pourra pas l'enlever. Très bien. Il faudrait qu'il l'invite Jean-Claude à l'occasion dans sa boîte. Écoute, je pense que quand il sortira, ils pourront faire des choses ensemble. À mon avis hein, enfin bon. Ce sera un guest privilégié du fucking Blue Ball. Carte platinum. Au minimum. Minimum. Alors donc c'est pas tout. Un autre son à vous faire écouter, alors on va entendre Marie et là vous allez devoir me dire ce qui est arrivé à Marie. Qu'est-ce qui a bien pu lui arriver? Tous les mecs lui ont éjaculé dessus. Non, ce n'est pas un gangbang, ça aurait pu roux, mais c'est beaucoup plus crade qu'un gangbang. Ah, plus crade qu'un gangbang? C'est plus crade qu'un gangbang. La poubelle? C'est presque ça. Les chiottes. Tu touches au but. C'est pas des chiottes humaines. On lui pissait dessus? Non, j'ai dit c'est pas des chiottes humaines. C'est la mère des animaux? Exactement, du fumier. Ils ont rapporté du fumier dans le cube. Quelle horreur. Elle a dû se rouler dans le fumier. Quelle horreur. N'importe quoi. Ouais, enfin, c'était son dilemme pour seulement 500 euros, donc elle était un peu dégoûtée. Ah ouais, 500 euros pour du caca, putain. Ouais. C'est pas cher payé, hein. C'est pas cher payé. Et donc comme ça allait passer vite, les hommes en rouge se sont amenés pour lui jeter les bouses sur la gueule et donc du coup c'est pour ça qu'elle gueule. Oh là d'accord, là, ok. Là, mais je pense que Dominique a quelque chose à dire sur cette opération. C'était terrible. Ouais, c'est effectivement. C'est terrible. Tu as raison, une si jolie fille dans le purin, c'est vraiment dégueu. Merci Dominique. Bon allez, pour finir, les deux désignés de la semaine, c'est Raphaël et Samir, tous les deux du clan violet, comme Sarah et Ophélie qui sont déjà sortis, donc bientôt il y aura plus de violet. Mais je crois que ça marche pas du tout en fait le truc. Ça a bien marché au début, mais là ça a tendance à se casser un peu la gueule. En fait c'est un peu bizarre, c'est-à-dire qu'un jour sur deux ça marche à peu près. Ah ouais. Mais, juste à regarder, tu sais, genre l'image, c'est pas beau. Non, c'est vrai que c'est vrai que c'est pas terrible. Les pièces elles sont toutes petites. Ouais. Ils avaient moins de budget que pour le loft. Ah bah, c'est évident. Bon, on en reparlera tout à l'heure de Dilemme. Donc je rappelle que si vous arrivez à prouver que ça baisse dans Dilemme, hein, n'hésitez pas. toff@energie.com. Ouais, et a priori Anaïs et Jérémy, ça commence à être bien parti parce qu'ils dorment déjà les deux enlacés. Le matin ils se réveillent bisous. Donc Très bien. Bon, on aura l'occasion d'en reparler. Mickaël, le podcast. Bon, Jessica qui est de retour maintenant. Jessica qui nous avait appelé parce qu'elle est exhib. Je l'avais déjà rappelé tout à l'heure. Et il y a Greg, 25 ans maintenant du 62, qui voulait réagir. Salut Greg. Salut l'équipe. Comment vous allez? Ça va et toi? Ça va, tranquille. Bon, bienvenue Greg, à toi. Tu es routier. Greg. Pourquoi? Je sais pas, comme ça, j'ai l'impression qu'il y a le bruit de la cabine autour. Je sais pas si c'est le bruit de la cabine, mais il y a un bruit bizarre. Hein. Greg, où est-ce que tu te trouves là? Dans mon camion, sur le périph. Ah d'accord, et eh bien ça capte mal. T'es à quelle porte là? Ah bah écoute, là je vais bientôt arriver à Porte de la Seine. D'accord. Ah oui, t'es loin. Ah ça y est, je la passe là, voilà. Ouais, pourquoi? Tu voulais qu'il passe te dire bonjour avec son camion? Ouais, qu'il passe avec le camion dans la rue. Ça aurait excité le roux. Il passe là et klaxonne. Ouais. Ça va être un peu chaud de passer dans la rue, mais bon, un petit klaxon. Ah ouais. Ben voilà, c'est parfait. Et bam, PV. Tu sais, c'est des flics derrière. Bon Greg, t'as le kit main libre là? Yes. Ah c'est ça que le son est dégueulasse. Ah peut-être ouais. Enfin je t'incite pas à l'enlever hein, c'est pas ça. Tu peux pas t'arrêter sur le périph pour voir? Oui ben voilà, t'arrêtes en plein travers, milieu. En travers sur les 4 freins à main. Voilà, un petit frein à main. Tu transportes quoi là? Ouais, un peu de tout. Des produits explosifs, parfait. Ah non, c'est interdit sur le périph. Ah c'est interdit les produits explosifs sur le périph. Ah c'est ça les nouveaux panneaux qu'ils ont installés? Ils ont mis des nouveaux panneaux? Petit panneau avec un carré orange, c'est interdit, c'est matière dangereuse, c'est interdit. Ah d'accord, ok, bah je sais pas, ça tient très bien. Bon alors Greg, tu voulais réagir par rapport à Jessica au niveau de l'exhibitionnisme, comment ça se passe alors? Ah bah comment ça se passe moi avec expérience de ce genre de relation que j'ai eue. Ouais. Bah pour moi elle a un grain. Pour toi quoi? Elle a un grain. Elle a un grain. Pourquoi elle a un grain? Elle a un problème parce que écoute moi j'ai connu ça avec avec mon ex. Ouais. Donc t'as essayé? Un tripoté partout, tu sais, en lieu public, ça. Même d'ailleurs, j'ai même une anecdote où là, franchement, je me suis foutu la honte, mais bien comme il fallait. Vas-y, dis-nous. C'était dans une église lors du mariage de mon meilleur pote où j'étais son témoin. Ouais. Oh, d'accord. Ouais. T'as fait bander. Voilà, voilà. Et en fait, je l'ai vu. Voilà, elle a commencé à me tripoter tout ça avant qu'on entre. Mm. Donc franchement j'avais le bras de marre, c'est vrai qu'il était assez assez prononcé dans le pantalon. Assez prononcé, voilà. Et en fait ce qui s'est passé c'est que après moi je l'ai retrouvé dans un petit coin de l'église en train de se chatouiller et puis voilà quoi. Et, y a et quoi tu J'aime bien le en train de se chatouiller. Mais je pense qu'elle est d'info, pas exhib. Ouais ouais là pour le coup parce que si la meuf elle peut pas attendre 5 minutes. Justement, donc je voulais en venir sur ça. Tu lui mets un petit coup dans le confessionnal au moins. Non. Et c'est pas ça, c'est que surtout en plus si c'est tout le temps, pour moi c'est de la nymphomanie quoi. Non mais attends, elle est exhib, pas nymphomane. Ouais mais bon, est-ce que tu le fais tout le temps? Est-ce que c'est juste pour t'exhiber? C'est juste pour faire bander ton mec? C'est juste pour te faire prendre devant tout le monde? Ou est-ce que c'est tout le temps que t'as envie quoi? Non, je le fais pas tout le temps, c'est juste des petits moments d'excitation. Parce que bah, soit il y a mon mec et j'ai envie que ça l'excite, puis j'ai l'envie, c'est une sorte de fantasme. Bah ouais, mais bon, tu peux pas attendre 5 minutes, parce que moi, je vais te dire que ça, sérieusement, ça te fout la honte, mais bien comme il faut, quoi. Non, mais ça dépend encore. Jusqu'à maintenant, j'ai pas eu la honte, au contraire. Hein. Non, mais pour le coup, toi, je comprends. Non, mais toi, je comprends, parce que c'était le mariage de ton meilleur pote, etc. Bah ouais, mais tu vois, si c'est... Attends, tu vas boire un coup avec tes potes au soir, dans un pub, tout ça. Elle commence à te tripoter. Mais c'est pas ça. Après, elle met pas son mec dans les histoires c'est en fait. Non, moi c'est justement mon mec et après. Non, ouais. Greg, tu t'emballes. Elle a pas dit qu'elle voulait baiser partout, elle a simplement dit qu'elle aimait bien quand elle risquait de pouvoir se faire voir par quelqu'un. Basta. Genre, elle aime bien se faire mater, c'est tout. Hein. Se mater, voilà. Ouais, genre faire l'amour avec la fenêtre ouverte. J'ai entendu ton mec aussi commence à en avoir marre quoi. Bah c'est pas ça, il est un petit peu jaloux du regard des autres. Voilà, c'est ça, il en a pas marre quand elle le fait vers avec lui si tu veux, mais il en a marre quand elle le fait quand c'est d'autres mecs qui la matent quoi. Ouais, c'est clair, c'est pas encore un c'est pas quoi hein. Ah bah allô Greg. Ah bah voilà, ah bah ça coupe. Ah bah voilà. Ah bah voilà, comme ah oui mais il s'énerve trop alors. Ouais, bah c'est ça, le téléphone il lâche. Hein. Ah oui, il s'emballe. Même le téléphone ça l'a saoulé. Bon attends, on va essayer de le rappeler. Jess reste avec nous. J'aimerais l'avis de filles également là, les meufs. Oui, de cochonnes qui montent leur cul. Pas forcément, mais des filles tout simplement, ça aurait été pas mal. 612 en débutant votre message par énergie, puis vous mettez votre message et votre numéro de téléphone pour qu'on vous rappelle. Ou alors sur mikael.fr, vous venez comme ça sur le groupe Facebook ou le Twitter de l'émission. Il faut pour ça cliquer donc sur la communauté. Voilà, il y a Sassura qui est dessus également, qui dit, moi, j'aime me faire choper, surtout quand la personne qui te chope te dit, je peux t'aider. Oui, bah oui. C'est ça, est-ce que je peux t'aider? Bon, Lilou aussi qui est là, il y a Marie qui dit, dans l'église, fantasme de certaines femmes. Ouais. Ah non, franchement, c'est un peu crado, ça. Dans l'église, c'est bizarre, mais crado, bon, non, hein, mais bon, pourquoi c'est pas. Blasphématoire. Ouais, voilà, Axel aussi qui était là, il y a Lindsay qui dit ouais dans l'église, Sassura qui est là aussi, il y a Francky, Johan, Elliot et les autres, mikael.fr, lâchez vos messages. On écoute, ouais. C'est comme les gens qui kiffent faire ça dans les cimetières. Ah ouais, c'est pareil, moi je peux pas, ni l'un ni l'autre. Non, ça c'est glauque, hein. Le cimetière c'est glauque. Hein. Mikael, le podcast. Moi mon mec m'a lâché car il trouvait que... Comme j'aime me faire mater, notre relation n'était pas assez privée. C'est Ellie qui avait envoyé le message. Oui, un petit peu. Oui, pas assez privée, c'est une manière de voir les choses, n'est-ce pas, Jess? Ah bah tout à fait. Il y a un message qui dit, fais des trucs à plusieurs, si tu kiffes t'exhiber, il n'y a pas mieux pour ça. Mais les gens, ils mélangent trop les trucs. En ouais, fait, ouais. Elle veut pas se faire prendre par d'autres mecs. Elle veut juste son cul. Elle veut juste se faire voir. Voilà. Et en plus, t'es exhib juste physiquement, t'es pas exhib dans tes relations sexuelles. Bah non, voilà, bah après c'est vrai que c'est excitant quand il y a la fenêtre ouverte, toutes les voisins peuvent surprendre, mais voilà, ça s'arrête là, moi je suis avec mon mec, je veux pas un autre mec en plus, enfin les gens mélangent tout quoi. Oui, mais voilà, on est d'accord. Il y a un message, Micha, je sais pas si t'as déjà essayé de l'appeler. Il y a Jackie qui a envoyé un message qui dit appelez-moi, j'ai une histoire sur l'exhib qui m'est arrivée. Très bien, Jackie. Oh oui, mais je suis débordé. Plan B, sont en retard. On va essayer de t'appeler, reste là. Bon, du coup, on a récupéré Greg là dans son camion là avec le téléphone qui avait coupé. Ah oui, c'est vrai que j'ai rigolé une vanne qui n'était pas passée à l'antenne, donc c'est pas... Ah. Non, c'est... En fait, c'est Micha qui vient de tailler Toff, un peu comme il faut. Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit, mais qu'est-ce qui m'énerve, il est mauvais. Bon, alors du coup, je me suis dit, putain, j'ai dit un truc. Ça me dit rien pourtant. Hein. Bon, alors, Greg, on en était où là avec ton histoire avant que ça coupe ? Là, t'étais en train de t'énerver. Bah ouais, parce qu'en fait, c'est vrai que moi, j'avais connu cette histoire-là, et puis qu'après, c'était parti en couille de manière qu'il fallait faire pratiquement partout où on allait, et ce site-là, c'est bon, quoi. Oh, c'est relou. Oui, mais toi, tu mélanges nymphomane avec exhibitionniste, j'ai l'impression. Ah oui, c'est vrai, t'étais dans l'info, toi, donc c'est, effectivement, ce n'est pas ça, hein. Elle n'est pas l'info. Donc, elle c'est que l'exhibition. Voilà, c'est que l'exhib. Ok, bah écoute, sur l'exhibitionniste, je peux comprendre que ça peut faire chier ton mec parce que d'une manière ou d'une autre, il y en a d'autres qui en profitent, quoi. Quand t'as un rapport, pas forcément dans des rapports, hein. Non, c'est ça, c'est elle peut s'habiller un peu. En se baladant. Et ben pourquoi, genre, magasin. Tu mets pas un impair et tu vas dans les transports et de temps en temps tu ouvres. En même temps, tu fais la manche, ce rapport. Papi, ouais, en plus. Les vieux clichés. De quoi? Les vieux clichés, ça. Bah ouais, mais bon, t'es exhib. Oui, mais par exemple, tu vois, je vais mettre un pantalon en lin blanc avec rien dessous. Enfin, tu vois, des trucs dans ce genre-là, en fait. Ah, tu veux chauffer les mecs, en fait. Voilà. Voilà, mais sans aller plus loin. Attends une seconde, Jessica, parce qu'on a Greg qui est en train de hurler derrière, on l'entend en peine, là. Tu disais quoi, Greg? Non, je disais, c'est pas du coup à se foutre à poil, je veux dire, dans la rue, et puis vas-y. Non, c'est un peu chaud, ça, quand même. Mais non, là, t'es en train de tout exagérer. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas ça. Attends deux secondes. Il y a Jackie qui est là, justement, qui nous avait envoyé le SMS au 612. Aïe. Allô, Jackie. Salut Mika, ça va? Ça va, et toi? Ouais. Salut, Jackie. Salut. Bon, Jackie, ouais, qu'est-ce que t'avais comme histoire d'exhib qui t'est arrivé, comme tu nous as dit dans le SMS? Ouais, ça m'est arrivé il y a deux mois à peu près. Je roulais tranquillement, c'est chauffeur routier. Hein. Ouais, d'accord. Et y a une voiture qui m'a doublé. Et la femme était nue dans sa voiture. Ouais. Et son mari conduisait la voiture tranquillement, quoi. Donc il roulait à 90 tranquillement sur l'autoroute. D'accord. Tu as suivi? Comment? T'as suivi? Ah bah ouais, il doublait. Ah bah ouais, écoute, j'ai donné un petit coup d'accélération, quoi, tu vois. Bah non, j'étais à fond, moi, 90 et... Mais je trouve ça joli, je trouve ça sympa, moi, j'aime bien tout ça, moi. Donc, mais il faisait quoi? Comment? Il faisait quoi? Eh ben, la fille a se caressé en regardant les chauffeurs, quoi. Et le gars, il roulait tranquillement à 90, je trouve ça sympa, moi. Ah ouais, le mec, il était là. Ouais. Ah, moi, j'aime bien, moi. Et on se fait chier dans nos camions toute la journée, alors de temps en temps, c'est sympa de voir, quoi. Ouais, mais fais gaffe, parce que il paraît pas, c'est comme ça. Quand tu roules dans voiture avec n'importe quoi, tu roules droit, mais si tu regardes à gauche ou à droite, automatiquement, tu vas sur la gauche ou sur la droite. C'est-à-dire que ta voiture va toujours suivre, et ton camion en l'occurrence aussi, La voiture a collé bien les camions quand même, exprès pour qu'on voit bien, quoi, tu vois. Ah ouais, oui, la sécurité avant tout. Ouais, tu vois, on était bien calés à 90 tous les deux côte-côte, et donc j'ai eu le temps de me rincer l'œil tranquillement. Ouais, quoi, bah quoi, c'était cool, hein. Mais ça, moi, je suis déjà tombé dessus sur le périph, hein, la meuf en train de sucer son mec dans les embouteillages. C'était un autre délire quand on voyait les camionneurs, on leur faisait des doigts, quoi. Ouais, c'est beaucoup plus sympa. C'est complètement autre chose. Il y a aussi. Non, bah c'est vrai que je roule beaucoup sur la région parisienne, et c'est vrai que les filles en mini-jupe où on voit les bas, on voit des grands décolletés, mais je trouve ça hyper sympa, quoi. Ah ouais, parce que toi tu vois ça de haut. Ah ouais, c'est clair, les camions c'est beaucoup plus haut tout de suite. Ouais. Ah bah toi tu remercies les mecs qui ont inventé les toits panoramiques. Ah oui, exactement, ouais. Ah et surtout, et les cabrios. Ah oui. Ah bah tu m'étonnes. Ah ouais, avec quand il fait soleil, toutes les filles se dévêtent un peu, et non, c'est sympa. Donc moi je suis à fond sur l'auditrice, quoi. Non, alors si elle est bonne, autant qu'elle se voit. Non, bah c'est ça, hein, écoute. Hein. Mais t'as raison. Non, mais t'as raison, c'est vrai, ouais, effectivement. Non, ce que je dis, c'est que JB, bon, c'est sympa aussi. Moi je l'ai fait étant plus jeune avec ma femme, mais... C'est sympa, quoi, des petits délires en mini-jupe dans les voitures, et puis bah oui, on chauffe les routiers aussi, quoi. Mais c'est ça qui après, est bien. Après, il faut pas insulter les mecs qui te matent, quoi, c'est ça, c'est que. Ah non, voilà. Roux, une fois à la salle de sport, il était. Tu te rappelles? Je sais pas, c'était un short blanc. Ouais, la meuf. On voyait son cul limite. En fait, la meuf, elle avait un short blanc avec un string noir, je crois. Hein. Ouais. Et avec la transpiration, bah, tu voyais tout. Ouais, bah oui, forcément. Et comme c'était un mini short, tu voyais un peu le bas des fesses, donc forcément, t'es dans une salle de sport, les gens ils te matent. Bah oui. Ouais, parce qu'il y a, en fait, y a pas que des gays dans les salles de sport, hein, contrairement à ce qu'on pense. Oui, les nanas aussi regardaient, et bon, elle, c'était plus les mecs qui la dérangeaient, apparemment. Ouais, elle s'est retournée, elle a acheté des mauvais regards, elle parlait pas bien et tout. T'as eu lui dire, bah, va te rhabiller. Oui, c'est ça. À partir du moment où t'exiges, si tu regardes, viens pas gueuler, quoi. Bah oui. Si tu le fais, si tu le fais exprès, en l'occurrence. Bon, bah, Jackie et Greg, merci à vous deux, les mecs. Bah, bonne continuation, et puis, bah, j'embrasse tout le monde, dans votre émission, elle est sympa. Eh bah, c'est gentil. Salut, Greg. Je roule beaucoup de nuit, et je vous écoute tout le temps, c'est trop bien. Eh bah, ça fait plaisir. Salut, Jackie, salut, Greg. Allez, salut, au revoir. À bientôt, ciao à vous deux. Bon, on a une fille dans un instant, ça, c'est cool. Bon, on va la prendre maintenant, tiens. Laetitia, 32 ans de Metz. Allô, Laetitia. Allô? Ça va? Allô? Oui, ça va, et vous? Ça va. Tu voulais réagir à l'exhib? Oui, je suis une cochonne, je veux montrer mon cul. Oui, bon, on va faire ça dans un instant, Laetitia. Tu as finalement changé d'avis. Elle a rien dit, la pauvre. Ça y est, tu as déjà dit ce qu'elle devait faire. Non, j'ai changé d'avis. Reste là, Laetitia. On fait ça dans un instant. Jessica, reste là aussi. On va revenir. Mickaël, le podcast. Et le problème du forum du jour. Ah bah, il fallait bien le faire à un moment ou à l'autre. Ah oui. Voilà. Donc, alors, j'en avais deux. Il y en a, Micha, moins fort. L'autre, il écoute les auditeurs avec le haut-parleur maintenant. Il est là, il fait. C'est incroyable. Roux, à ta place. Quoi? C'est dingue. Ouais, ouais, non, mais... ça c'est. Non, Micha. Si on... Micha, coupe le haut-parleur. Attends, elle veut savoir un truc. Elle te dit bonjour, Mickaël. Hein? Mets là, on l'entend, qu'on l'entende vraiment. Ah, Mickaël. On est. Ça va. Mais t'entends pas. Tokyo Hotel. Oh. Vendredi. Quoi? En live. Tokyo Quoi? Hotel en live vendredi. Parfait. Ok. Je t'invite à voir Tokyo Hotel en live. Ouais, pas de problème. Non, j'ai dit qu'il passe Tokyo Hotel. Comme ça, vendredi, moi, je vous écouterai en live. D'accord. On fait comme ça. Ouais. Parce que là, elle écoute en différé. On va faire ça à ce moment-là, alors. Hein. Non, parce qu'elle avait une question hyper importante. Bah oui. T'avais des MP3 à gagner. Non mais non pas ça le début. Le producteur. La vraie question importante. La vraie question c'est quoi? En fait il y avait la rumeur qui. Enfin soi-disant hein, il y a une rumeur qui coule que David Joss, manager, quitterait le groupe. Et je voulais savoir si c'était vrai. Mais on s'en branle. Des nouvelles. Ah oh là là, je ne sais pas hein. Je ne sais pas. Il sait pas. Eh ben, demande-lui qu'il m'aide, qu'il soit un scientifique. Attends, oui mais enfin bon alors. Si en tant que collaborateur, s'il peut pas appeler le manager. Voilà. Je rappelle que nous avons un studio de plusieurs millions d'euros et que là nous prenons quelqu'un à l'antenne en mettant le téléphone devant le micro. C'est, hein. C'est justement pour pas dire qu'on l'a prise à l'antenne. Tu Non, je suis parti. Mickaël. Je suis parti. Tu peux me rendre service? Non. Tant mieux. Allez hop, l'affaire est pliée. Non, mais je sais pas si ça se fait comme ça, ça se fait pas. Dis-lui toi, parce que moi je suis mal à l'aise de lui demander comme ça. Oh, tu lui as déjà demandé. J'ai peur. Qu'est-ce qu'elle veut? Il dit qu'il me rappelle après, avant l'émission. Oui, bah, avant l'émission, bah on fera ça. Retour vers le futur. On arrive, il est 20h. Oh là là, on comprend rien. Et Michel lui raccroche le nez. Non. Ah si. Oh le bâtard. Si, vous voyez comment est Micha donc avec les auditeurs. Oh le bâtard. Quand on dit qu'il est mauvais. On n'invente pas les choses. Non, c'est parce qu'elle appelle beaucoup. Oui, non, j'avoue qu'elle appelle beaucoup, effectivement. Elle n'avait pas appelé pendant longtemps. Bon, je me demande où mais elle c'était était. Bien. Hein. C'était cool. Elle appelle à peu près 40 fois par. Elle appelle à peu près 40 fois par émission. Minimum. Non, 40 fois par minute. Oui. Ah, oui. Ah, je savais pas. Oh, vite, je savais pas. Merde, je ne suis pas là. Attends, t'as pas autre chose à lui demander? C'est le moment. Non, mais c'était juste pour ça. D'accord. Dis-lui s'il peut me rappeler après l'émission avant qu'il parte. Oui, bah bien d'accord, on va faire ça comme ça à ce moment-là. Non, dis pas oui, tu vas pas le faire. Non, bah non. Elle entend pas, toi. Tu trouves? Il est chou. Oh là. Parce qu'elle est amoureuse de toi, en fait. Ouais, mais elle est amoureuse de tout le monde, elle a envie de se taper tout le monde, toi. Un peu comme Elisabeth. Non, elle est amoureuse de toi. Ah, toi. Écoute, j'avais eu des échos sur toi aussi, mais bon. Ah non, pas du tout. Ah, écoute, alors je suis vraiment déçu, hein, c'est dommage. Bon, allez, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Nous allons faire le problème du forum du jour. Ouais, on était sur ça. Ouais. On était sur ça, effectivement. Du coup, j'ai switché avec le dégueulage, je le ferai demain. Oh, non. Non, écoute, il y a d'abord l'urgence. Le mec, il a un problème, il faut l'aider. D'abord l'urgence avant le caca. C'est Ducdo qui avait envoyé un message qui dit: bonjour, voilà maintenant 3 jours que j'ai un liquide blanchâtre qui coule de mon sexe. Ce n'est pas des litres, hein, ni du goutte à goutte, mais assez pour que mon boxer noir à l'origine finisse en ressemblant à un dalmatien avec toutes des taches blanches qu'il prend. Entre parenthèses, humour nerveux. Parenthèse terminée. Je ne pense pas que cela soit du sperme, hein, bien que à la vue de ma deuxième idée, je préférerais. Ma deuxième idée est que c'est du pu. Eh oui, ma troisième idée est que ce ne soit rien de grave, on peut toujours espérer. Quand j'urine, ça me brûle un peu, vaut-il mieux que je boive beaucoup pour diluer ou au contraire pour uriner le moins possible? Bon, alors voilà, mes questions sont toutes bêtes. Qu'est-ce que c'est? J'ai envie de te dire, va voir le médecin. À aucun moment il demande s'il doit aller voir le médecin. Non, à aucun moment, non. Il n'y a personne qui lui a répondu ça? Attends une seconde. Comment ai-je pu attraper ça? On s'en fout, hein, le principal, c'est de te l'enlever. En fait, il a des pertes. Il a des pertes. Oui, mais normalement, c'est les meufs qui ont des pertes, pas les mecs. Ça lui brûle, il a dit. Ça lui brûle, ouais, c'est une infection. Voilà, donc. C'est du pus, ça doit être du pus. Il dit que c'est peut-être du pus, c'est ta deuxième solution. Troisième question, ça y est, on y arrive. Est-ce grave, docteur? Bah non. Non, t'inquiète pas. Quatrième question, faut-il que j'aille consulter? Non. Alors, c'est que je ne suis pas de nature à montrer ça devant tout le monde. Et puis, surtout, je viens d'aménager au Canada. Oui, on peut pas l'aider en plus. Hein. Et je ne connais pas grand-chose à leur système de santé. Tu sais, un médecin est un médecin. Hein. Oui. Hein, il ne va pas non plus chipoter 107 ans. Et alors, cinquième point, et si ce n'est pas grave, est-ce que ça va guérir tout seul? Bah oui, bien sûr, on est au courant. Se référer à la notion d'espoir, hein, combien de temps ça va prendre? Rappel et précision, homme, 20 ans, circoncis, au cas où ça importerait. Désolé pour le style, mais c'est le seul endroit où j'ai osé envoyer un message. Bon, bah, très bien. Hein. Oui. C'est marrant. Ça. Ouais, alors, je préfère envoyer des messages sur les forums que d'aller voir le médecin. Oui, ne serait-ce que lui passer un coup de fil au médecin. Oui, à la limite, voilà, c'est ça. Et il y a Sophie qui répond hein, sur le forum toujours. Bonjour, oui, bien sûr, va consulter. Est-ce que ça te gratte? Pour ma part, je pense qu'il s'agirait d'une banale mycose due à la matière de ton boxer. Ou alors le fait qu'il soit trop serré peut aussi entraîner avec la transpiration, quoi. Le fait que cela te brûle quand tu urines peut venir du fait que tu es irrité à ce niveau. C'est déjà arrivé à mon ami et c'est très gênant. Va voir ton médecin afin qu'il puisse te prescrire une crème ou autre. Voilà, et réponse, cela ne me gratte pas. Ah ben bah, ça va alors. Il mais sait bah, que ça brûlait quand voir il pissait, ça peut être la chaude pisse, non? Ouais, mais ça gratte la chaude pisse, je sais pas. Bah, ça brûle. Je sais pas, moi je l'ai jamais eu, mais si ça brûle. Ça, c'est apparemment, ça brûle. T'as l'impression de pisser des lames de rasoir en théorie. Voilà. Ah, il paraît. Ouais. J'ai jamais eu ça. Quelqu'un a déjà eu ça? Non, ouais, j'ai eu moi. T'as déjà eu? Je crois que c'est un équivalent. Je pissais du sang. Ah, c'est sympa. Et c'était. Tu sais, genre, t'allais pisser, tu souffrais le martyr, et après t'allais te recoucher tellement la douleur, elle t'avait assommé, quoi. C'est sympa aussi ça. Ouais, j'avais 8 ans. Et t'as attrapé ça comment? Bah, ça devait pas être en niquant parce qu'à 8 ans. Non, mais tu devais mettre ton zizi un peu n'importe où, quoi. Ah, ouais, à mon avis, il devait l'essayer, tu vois, dans l'aspirateur, tout ça, non? Et me connaissant, j'ai dû. Dans les serrures. Non, peut-être pas, je sais que ça n'ouvre pas. Dans les serrures, c'est pas mal. Moi, c'est pendant la grippe, parfois, j'ai les couilles qui durcissent vachement. Qu'est-ce que ça fait mal? Mais c'est une blague. Non, véridique, c'est ça durcit vachement, et en fait, t'as les canaux par où passe l'urine qui sont hyper retrécis, et ça fait super mal. Retrécis, on dit les deux, non? De quoi? Retrécis. Je crois qu'on dit les deux, non? Je sais pas. Enfin bon, qui sont super serrés, donc du coup l'urine a du mal à passer, quoi, et donc ça fait super mal. Et toi non plus tu vas pas consulter? Ah si, moi je suis allé consulter. Ah. Si, c'est quoi alors? Bah rien, c'est juste en fait c'est juste le virus de la grippe qui parfois ça passe par là. T'as chez toi, il passe par les couilles. Ouais, t'as vu un peu. C'est dingue. C'est impressionnant. La violence. Ouais, j'ai dû me faire palper et tout, le médecin me dit ah oui vous avez. Ah quelle horreur. Il me fait bon ben montrez-moi. C'était une femme? Non, c'était un mec. Ah. Et ta gastro elle passe aussi par là ou pas? Non. Ah. C'est Jack. J'ai fait pipi du caca. Dégueulasserie. Bon, retour avec Laetitia et Jessica pour terminer. Jessica par rapport à l'exhib et Laetitia qui voulait réagir après la vie des deux mecs. Alors, Letty. Oui. Bon, on en était où? Bah nulle part, on venait de te prendre, non. Effectivement. Alors, comment ça se passe donc au niveau de l'exhibitionnisme? L'exhibitionnisme? Oui. Ben, c'est plutôt, enfin c'est pas de l'exhib, c'est plutôt, moi je pense qu'elle devrait plutôt aller en club, quoi. Si c'est des endroits plus appropriés pour ça, quoi. Bah, elle veut pas s'échanger, hein. Non, mais je parle pas de club échangisme, hein. C'est d'échangisme, hein. C'est des clubs d'exhibitionnisme. Des clubs d'exhibitionnisme, c'est ça? Comment? Des clubs d'exhibitionnisme. Non, pas forcément, mais dans les clubs libertins, il y a possibilité de s'exhiber quand même. Sans pour autant que ça oui. Partout. Je sais pas, c'est offre en général le spécialiste des clubs attends, libertins. Le club libertin, ça a rien à voir avec les clubs échangistes. Non, les clubs libertins, généralement, tu as des pièces spéciales au fond où les gens, s'ils ont envie de baiser, ils ont envie de baiser. Ça s'appelle un hôtel, ça. Si tu dans un club gay, ça s'appelle les backrooms. Oui. Et mais sinon dans ce qu'on va dire qui est le club qui est plutôt fait avec des fauteuils, avec des tables, etc. Les gens se tripotent, les gens discutent, boivent un verre, montent le nichon, mais ils baissent pas. Le nichon. Mais dans certains clubs, tu peux donc baiser dans une pièce, ouais. Les gens peuvent te voir, mais toi tu ne les vois pas. Ah c'est voilà. Ça c'est ouais. Ça. Ah ouais, donc c'est ça qui est bien. Ça c'est rare. Enfin dans les clubs libertins, c'est plutôt rare que tu puisses voir les gens qui baissent, quoi. aussi. Généralement, c'est plutôt une pièce fermée. Et après, t'as les clubs. Y a pas que ça. Ouais, y a tout alors. Ouais, bon. Et après, t'as les, voilà, t'as les vrais clubs échangistes où là, t'as tout. C'est-à-dire que t'as la salle où tu peux boire un verre, t'as la salle où tu peux mater, la salle tu où peux niquer là où ça boit un verre. Ouais. Voilà, enfin, tu baises un peu où tu veux, tu peux baiser à plusieurs. Enfin bon, après c'est. C'est open bar quoi. Ouais, voilà. Non, tout est possible. D'accord, ok. Bon, et donc Laetitia, donc qu'est-ce que t'aurais comme conseil à filer pour elle ou pour son mec ou pour les deux? Qu'ils essayent d'aller dans ce genre d'endroit. Plutôt. Lui, il veut pas trop, il est pas trop chaud. Non, ouais, mais lui, il aime bien comme ça entre eux, mais il a pas envie de partager lui. C'est sa meuf, point. Et puis même dire à un mec, ouais, tu viens, on va dans un club libertin. Je pense que le mec, la première chose qu'il se dit, ouais, ça veut dire il y en a un qui va baiser ma meuf. C'est ça. Il faut que ça vienne des deux en même temps, je pense. Personne n'oblige personne. Donc personne n'oblige personne, mais les mecs font vite des raccourcis. Je te garantis. Oui, bah oui, mais bon, après, si la meuf, elle dit non, bah c'est non, quoi. Je veux dire, il n'y a pas... Mais pourquoi tu veux les envoyer dans un club libertin? Je comprends pas. La meuf, elle est juste, elle aime bien que quelqu'un la voie, hein, ou le... c'est tout. Peut-être que toi-même, tu es pratiquante, hein. Ouais, pratiquante, croyante et pratiquante. Ouais. Dans le libertinage. D'ailleurs, combien, c'est une femme pour toi. Combien mesures-tu, Laetitia? 1m60. Combien pèses-tu? 50 kilos. Quel est ton tour de poitrine? 90B. Et la taille du dernier pantalon que tu as acheté? 38. Mais oui, je peux venir te baiser. Mais écoute, quand tu veux. Bah, si elle va dans les clubs, 32 les majeurs, hein, Roux. 32. Oui, je sais, mais. Non, mais elle aurait pu avoir 70. Hein. Non, mais 32, c'est parfait. Ah oui, 32, c'est parfait. Et puis, de toute façon, c'est quasiment ton âge, hein, taf, hein, je te rappelle. C'est le bon âge, 32 ans. Et puis, de toute façon, un club libertin, faut être accompagné d'une meuf si tu veux rentrer gratuit. Donc, quoi qu'il arrive, autant aller avec toi. Ah oui, bah c'est mieux, ouais, tant qu'à faire, effectivement, ouais. Bon, bah écoute, bonne chose alors du coup. Et alors, Laetitia, je te reprends en standard après. Oui, bah oui, on sûr. Va faire une sortie à deux. Oui. Pas de problème. Tout à fait. Plutôt une sortie à plusieurs si vous allez là-bas. Oui, mais on ira à deux jusque-là. À deux, à trois, à quatre. Après, on verra sur place. Tout à fait. Elle est à la fond, elle. Hein. Ah oui. Ah, elle est au taquet du taquet, c'est clair. Bon, Laetitia, merci à toi d'être passée, je te fais des bisous. Oui, moi aussi, gros bisous à toute l'équipe. À bientôt et bonne bourre. Et puis Jessica, bah écoute, dis les choses à ton mec, hein, dis-lui que toi t'aimes bien. Ouais, non, mais de toute façon, il n'a pas trop le choix, donc maintenant il le fait. Hein. Voilà, il n'a pas trop le choix. Il faut qu'il fasse un petit peu, et puis voilà, c'est pas grave. Bah ouais, voilà, il faut qu'il fasse avec. Ça reste un petit fantasme, c'est tout. Tout à fait. Je te fais des bisous, Jess. Merci, bisous. Allez, à bientôt. Ciao, Jessica. Mickaël, le podcast. Bon, on va faire le chéri, je t'ai fait cocu en attendant plan B. Allô, allô, Morgane. Oui, allô. Comment salut ça va? Tout le monde. Ça va. En forme? Oui, très bien. Bon, oui, ça va tant mieux alors, impeccable. Alors, Morgane, nous allons faire le chéri, je t'ai fait cocu. Comment ça va se passer? T'as prévu une petite histoire? Oui, je lui ai dit que j'avais rencontré quelqu'un à Londres. Et qu'il allait venir habiter à Montpellier pour me voir. D'accord. Et que j'étais sortie avec lui. Très... Attends une seconde. Micha, parle un peu plus fort, on t'entend mal. Oui, et je suis sortie avec lui à Londres et voilà. D'accord, c'est quand que t'étais à Londres? Il y a 2 semaines. Ok, d'accord, ok. Comment il s'appelle le mec à Londres? Tu lui en as déjà parlé ou c'est au rien du tout? Non, j'en ai pas trop parlé. Bah, c'est un français hein, que t'as rencontré à Londres. Ouais. Mais d'accord, c'est qu'un français. Oh, sinon j'aurais demandé à Tov qui joue avec son accent. Ah, c'est vrai, il a un bon accent. British pourri. Hello? Oh yeah? Ouais, bah tu parles. Non, c'est ça. Michael Jackson. Ouais, quoi, tu changes ta voix, ouais? Je sais pas, ça me vient naturellement, je suis désolé. Yeah, bah, I'd like to fuck you. Ah non, ça c'est Water. Fait l'anglais. Bon, Morgane, c'est vrai que s'il a un accent anglais, ça peut être sympa. Ouais, aussi. Bon, bah très bien. Donc, Tof, tu vas jouer. Avec plaisir. C'est quoi un nom bien pourrave, British? Brian? Non. John? Non, Jason. Charles, c'est parfait. Charles, c'est parfait. Sherlock. Bon, on y va, Morgane, on l'appelle, ok? D'accord, ok. Allez, c'est parti. Et s'il y a Charles qui te parle derrière, bien sûr, tu lui réponds, t'es censé être avec lui, ok? Oh, tu vas galérer pour dire Charles, toi. Allez, c'est parti. C'est Charles. Enfin, Gordon, tu peux l'appeler Charles. Hein. Prends pas tu peux ouais. Gordon, c'est bien Gordon, non? Charles. T'as senti là quand t'avais pas répondu? Allô? Allô? Ouais. Oui, c'est Morgane. Ça va? Ouais, ça va et toi? Tranquille. Je t'appelle, j'ai un truc à te dire. Ouais, de quoi? Sur quoi? Bah, à Londres, je suis sortie avec un mec. Oh. Et il va venir habiter à Montpellier pour qu'on se voit. Faire sa brute de pomme, là. Tu te fous de ma gueule, là? Non. Ça va être comme hier. Non, mais moi, je dirais tu m'en parles même pas et tout, et puis tu me sors ça comme ça. Ouais, j'avais pas trop comment te le dire et voilà. Mais c'est quoi ce putain d'anglais de mes deux? N'importe. Bah, on n'avait pas parlé, voilà. Et tu l'as rencontré quand t'es parti à Londres pour ton année? Ouais. Putain, mais tu fais chier. Je te faisais confiance et tout, Morgane. Ben ouais, mais je sais pas, c'était... Je sais pas, comme ça, et après, du coup, on a passé toutes les vacances là-bas avec lui, et... Voilà. Putain, et... Faut que je le trouve... Si je le trouve, je le chauffe, ce mec. Je vais lui démonter sa mère. De quoi? Je vais lui démonter sa race, non mais c'est quoi ça? Il habite où? Il habite ben, pour l'instant à Londres, et là, il est avec moi, parce qu'il est venu pour la semaine. Il est avec toi, là? Ouais. Et au collège, tu en as même pas parlé? Non. Tu te fous de ma gueule? Non. Non mais Désolé, passe-le-moi. Passe-le-moi. Ouais, hein? Je te passe. Non, passe-le-moi. Morgan! Ouais, je te passe. Qu'est-ce que tu veux faire avec le téléphone? Allô? C'est toi le putain de British de mes deux, là? What? Quoi, what? Ta gueule, what? J'ai pas compris. What? J'ai pas compris. C'est qu'est-ce que tu dis au début? Viens me chercher, viens à Movio. Et je vais te chercher, pourquoi on fait un soirée ce soir? Morgan, tu m'as pas dit on fait un soirée ce soir? Non, mais y'a pas Morgan, on fait une soirée. Morgan, c'est moi et elle, c'est pas toi et moi. Morgan, c'est toi et moi. Et... Excuse mon friend, je comprends pas bien tout ce que tu dis. Déjà, je suis pas ton ami, tu vois. D'accord, ça je compris. Donc toi et moi, on n'est pas amis. Mais en même temps, je te connais pas, hein, donc c'est normal. Non, mais t'inquiète, on va se connaître, t'inquiète. Ah, c'est vrai, tu vas devenir mon ami. Non, je vais pas devenir ton ami. Oh. Tu vas te calmer, ok? Moi je suis calme, c'est toi, je sens un peu comment... Non, ta gueule, je suis pas ton pote, ok? D'accord. Si je dis ta gueule, tu fais quoi, toi? Ah, tu te tais, d'accord. Alors, donc, quand tu dis ta gueule, je dois me taire, d'accord. Ah, c'est pas le malin. Non, mais le français, c'est pas encore très bien. J'ai des potes à la paillade, tu vas en chier, donc viens en France, tu vas voir ce qui va t'arriver. Je suis en France, je suis Montpellier, là. Je suis Morgane, on est ensemble. Tu te fous ma gueule là? Ah non, je jouais pas à me foutre toi. Mais toi British de mes... Je vais t'enculer ta race. Demain tu viens. J'ai pas compris. Tu vas enculer qui? En bas, je vais te démonter. Tu vas me démonter? Comme une voiture? Tu t'es jamais fait démonter, viens. Ah non, j'ai jamais fait démonter une voiture. Demain, tu viens. Oui. Je viens où? Parce que Montpellier, je connais pas bien. Tu veux pas venir me chercher? Mais je viens où tu veux, pour que je te démonte ta race, je viens où tu veux. Parce que là, je suis chez Morgane, donc tu peux venir me chercher chez Morgane. Non mais là, déjà, t'arrêtes de parler comme ça à Morgane, ok? T'es pas chez elle. Ah si, je suis chez elle. C'est la maison, on est dedans. De Londres, t'es venu... J'ai pris l'avion, c'est très pratique. C'est un truc comme ça, ça vole. Mais arrête de te foutre de ma gueule, je vais te niquer. Tu vas me quoi? Tu vas voler, tu vas voir l'avion dans ta gueule, tu veux le voir demain. Viens, Non, l'avion, je le revois pas avant 4 semaines, je rentre 4 semaines. Est-ce que c'est un point américain, connard? Un point américain? Non, je connais le bar américain. Le truc qui va t'arriver dans la gueule demain. Ah. Ok? Viens, tu vas avoir une jolie marque, tu vas faire une dédicace au point américain. D'accord, mais c'est pas toi qui viens me chercher? Non, c'est toi qui viens. Ah bah oui, mais je te dis, je connais pas bien Montpellier. Eh ben Morgane, elle sera contente de te montrer, je pense. Ah, c'est vrai? Morgane, ouais, tu me fais la visite de Montpellier demain? Ouais. Ah, c'est gentil, on fera l'amour? Ouais. Tu m'as dit que tu me montrerais des coins sympathiques pour... Hein? Peut-être au bord du cours d'eau, là, comment ça s'appelle? Non mais Morgane, je vais te pourrir ton... t'as plus de vie, Morgane, t'as plus de vie. Mais je voulais te le dire, mais là, il est arrivé, il m'a fait la surprise, je le savais même pas. Mais moi, je vais lui faire la surprise demain matin, je vais lui mettre un coursier de l'aura, il va comprendre, la surprise. Mais Hector, dis pas ça, de toute façon, c'était plus possible entre nous. Arrête. C'est bon, tu m'as enfadé, là, ce soir. Demain, t'as plus de réputation, t'as une réputation, mais laisse tomber. D'accord. Mais c'est pas ça, Morgane, je vais mettre un peu de musique, hein, parce que là, c'est un peu plat là, chez toi. Ta gueule, le briquet. Bon, John, choisis un disque. Oasis. Ouais, mais ils se sont séparés, c'est con. Mais c'est pas grave. D'accord. C'est qui les deux mecs qui est derrière? C'est un pote à lui. Dis-leur qu'ils viennent demain, t'inquiète, on va les attendre devant. Tu veux pas parler avec le monsieur? C'est qui? Je sais pas, mais comme ça je peux garder Morgane pour moi un petit peu. Vas-y, parle avec lui. Allô, allô, allô, bonsoir. Bonsoir. C'est qui? C'est qui toi? C'est Thérèse. C'est qui? Thérèse. Thérèse, j'en ai rien à foutre de toi, ok? Moi je veux parler à l'autre sale connard british. Mais qu'est-ce qui se passe? Ça va pas? Non mais c'est toi qui va pas aller, casse-moi pas les couilles, passe-moi le british. Oh là là, tu veux pas venir faire la fête ici toi? Passe-moi le british. British? Mais y'a pas de british ici. Le putain d'anglais. Y'a John ou y'a Thérèse? Y'a qui? Charles. Charles, je suis Charles. Il veut te parler à toi. D'accord. Sinon, moi, je t'amène à London dans le quartier antillais, tu vas kiffer, hein. Non, on fait la fête pas, et tout, t'auras plus de souris parce que là, on mais dirait que... Ta gueule, passe-moi le british. Il y a un quartier antillais à London? Bien sûr, of course, depuis une semaine. Ah, ouais. On l'a créé, on est trois pour l'instant. Mais c'est quoi le bordel des bars à british, là? Allô? Allô? Yes, c'est le british. Ouais. Qu'est-ce que je peux pour toi? Toi, bah te ramener devant le bahut pour que je te démonte ta race. J'ai pas compris. Pourquoi tu veux te ramener demain. Tu te ramènes demain devant le bahut et je te démonte ta race. Okay, oui, j'ai compris. Enfin, j'ai entendu, mais... Essaye avec des mots différents. Ta gueule, t'as plus shut up, comme tu dis en English. Eh, hey, Coco. T'es en train d'insulter un pote à moi, là, ou je rêve? Quoi, t'es un pote à moi? Le mec, là, qui te parlait, là, t'es en train d'insulter ou je rêve? Ah tu refais, toi aussi viens demain. Eh hey, tu vas vite te calmer hein, fais des excuses directes là avant que je m'énerve. Y'a pas d'excuses, fais des excuses. Y'a pas d'excuses. Fais des excuses. Ta gueule, y'a pas d'excuses. Bon t'as quel âge? T'as quel âge? Quoi, j'ai 16 ans. Fais attention, j'ai 16 ans et demi. Frogles. Alors fais pas le malin. C'est là qu'ils mangent la grenouille. J'ai démonté des mecs de 18 ans, c'est pas bien. Alors. Et alors? Qu'est-ce qu'il veut la fausse british là? Espèce de frog. Bon. Eh Totor. Quoi, Totor? Tu m'appelles pas Totor, moi, c'est Hector, ok? Si je puis me permettre, Charles, c'était plus Vincent McDoom, hein. oui, c'est vrai, il avait un peu de mal, Charles, avec... On savait pas très bien si c'était Charles ou Charlene. Ou Vincent McDoom. Je ne sais pas non plus. Ou Vincent McDoom. On ne sait pas très bien. Chercher, oh là là, Hector, reste calme. Oh là là, c'est pas possible d'être vulgaire comme ça à ce point-là. Non mais... Morgan, c'est quoi ce bordel, là? C'est incroyable, ça. Bon. Y a pas le BEP en ce moment, là? Ah ouais, tu bosses pas, là? Moi, bosser maintenant, là? Ouais. C'est ouf, c'est 23h, tu veux que je bosse maintenant? Bah, il faudrait, un moment ou un autre, bosser, hein. Ok, t'inquiète, je bosse, j'ai des mains. Parce que, bon, ouais. T'as des examens, là, ou pas, en ce moment? Bah, il faudrait, ouais, hein. J'ai examen avec ton british, t'inquiète, je vais lui arranger sa tête. Ah, oh, ouais, t'as pas besoin, elle est déjà mal partie. Quelle vulgarité. Elle est mal répartie, quoi, c'est ça que je voulais dire. Bon, Hector, c'était le chéri, je t'ai fait cocu, t'es en direct à la radio sur Énergie. Putain, les gars, vous abusez. Ouais. Tu savais, hein. Mais non, trop bas, mais non, mais je lui ai même pas parlé à Morgan, en plus je lui ai parlé au bahut, et puis après, mais c'est vrai, c'est le truc, ou c'est des mecs qui font une connerie, une blague? C'est la radio ou pas? Bon, Hector, on va te repasser Michel au standard, d'accord? Hein? Ah, c'est vrai, c'est la radio ou quoi? On va te repasser Michel au standard. Oui, c'est la radio, t'es à la radio en direct sur Énergie, Hector. Putain, chier. T'inquiète pas, tu t'es affiché devant tout le monde. T'inquiète pas. Moi et donc aussi, Toff jouait le rôle de Charles. De toi c'est pire, tu t'es affiché devant toute la France. Ouais mais moi j'ai l'habitude. Hein. Oui, non, je suis dans le quartier antillais. J'étais obligée de pouvoir rattraper parce qu'on m'a dit mais c'est pas du tout l'accent anglais. Et j'ai rattrapé comme je pouvais. Ah ouais c'est sûr. C'est qui est Charles? Charles c'est Toff. Oh putain. Un petit coup de Charles là? Attends. Yeah, of course. Quoi t'aurais préféré que ce soit qui? Ah mais ça va bien comme ça, c'était parfait. D'accord, ok. Non mais sinon on aurait pu te proposer, je sais pas moi, Roux par exemple. Eh, tu sais qui faisait l'accentier? Non. Sandro. Ouais, c'est Thérèse, je vais t'emmener dans le quartier antillais de London. Ouais, mais à la limite on reconnaissait plus que... C'est qui? C'est quoi, que pour Charles. Oui mais c'est non, qui mais t'as reconnu l'accentier? De quoi? La voix, tu sais qui c'est qui faisait l'accentier? C'est Sandro? Ah bah voilà, effectivement, bingo! Bon, t'auras pris un cadeau pour ça au moins. Tu lui as dit il y a 40 secondes, hein. Ouais, mais on speed. C'est pour être sûr qu'ils suivent. C'est vrai. Bon, Hector et Morgan, je vous renvoie chez Michel au standard. Comme ça, vous gérez votre cadeau sur avec le standard. Alors, Michel, il est débordé. Oh là là là là là là là. Il était bon le cocu? Il avait l'air génial. Hein. Ah bah dis donc, alors on n'a pas la même radio là. Hein. C'était pas le meilleur quoi. Ah, écoute, il y a le chanteur de Pain B qui vient d'arriver, il m'a dit qu'il était en train d'écouter dans la voiture en arrivant, il a trouvé ça fantastique. Ah ouais, c'est marrant parce qu'il vient me dire que c'était pourri. Ah bon, on va lui demander. Ah ouais, bah c'est bizarre, bah on va lui poser la question si tu veux, y a pas il de problème. Français hein, non. Enfin, que je sache. Plain B. Ouais, il parle anglais donc. Hein. Tu parles français? C'est pour ça qu'il a trouvé ça bien. Ouais. Ouais, ça doit être ça, à mon avis. Ouais. C'est mon accent qui lui a plu. Mickaël, le podcast. Ce soir, on reçoit Plan B dans l'émission pour son album The Defamation of Strickland Bangs qui vient de sortir le mois dernier. Album excellentissime que j'ai ici d'ailleurs et que je verrai tout à l'heure pour offrir. D'entrée de jeu, bam. Je verrai tout à l'heure. Donc voilà, en tout cas, à découvrir absolument. Comment ça va alors? How are you doing? Bonjour, I'm good, thank you, thanks for having me. Ah, il parle français, hein? you speak French? Yeah, very small. Bon, I can alors, swear in French. Comment? Tu peux jurer en français. Ah, qu'est-ce qu'il connaît? Commençons par ça. Alors, qu'est-ce que tu connais? What do I know? Putain la merde. C'est pas ça, c'est pas mal, c'est putain de merde. Il peut dire putain de tarasse. Va tout faire enculer. C'est pas mal. C'est pas mal, hein. Ah, dis donc, tu t'es bien. T'as fait combien de temps que t'es en France? How long have you been into France? My stepfather is Italian French, so I used to come here when I was very small. I used to come to south of France, Nice, a little town close to Nice called Valeries. I used to come here for my holidays, and obviously I grew up in a house. My mother speaks fluent French, and my stepfather also. Sa mère parle français couramment. Il passait souvent ses vacances dans le sud de la France à Nice parce que son beau-père était français. D'accord. En tout cas, il a bien appris les mots basiques de Paris. Parce que c'est bien. C'est la mère qui a appris juste ces mots-là. C'est bien, oui, mais c'est parfait. Alors, comment est-ce qu'on t'appelle? On t'appelle Plan B, Plan B, Benjamin, Ben. Oh, shall we call you Plan B, Benjamin, B, Ben? B. B. B. B is fine. B, ok, très bien. Parfait. Et pourquoi te faire appeler Plan B? So why did you choose Plan B as a name? Because I was a soul singer first of all, and you know, I was walking down one path, and then that path changed, and I suddenly switched my style. You know, first of all, I was singing love songs about beautiful women, and the next minute, I'm singing songs about, you know, stabbing motherfuckers and shit like that. So I figured Plan B was a relevant name, and also it meant that my friends could still call me B, which they call me, which is short for Ben. En fait, à la base, il chantait tout seul et il chantait des chansons en fait qui étaient vraiment des chansons d'amour sur des femmes magnifiques. Et puis petit à petit, son chemin a changé et la musique qu'il a fait a changé aussi. Et du coup, il trouvait ça plus équivoque s'il s'appelait Plan B en fait, tout simplement. Et puis comme ça permettait à ses potes de continuer à l'appeler B. Comme il le faisait depuis le début, puisqu'il s'appelle Ben. D'accord, ok. En tout cas, on le remercie, parce que pour une fois, ouais, c'est lui vrai qui vient avec la bouteille. Ouais. It's the first time, actually, an artist came with champagne. Usually, we give champagne to the... Well, you know, yeah. I wanted to say sorry for being late. Non, c'est pas grave, il faut refaire toute la lumière. Enfin, Ah ouais, il s'emmerde pas, quoi. Il voulait s'excuser d'être en retard, en fait. Ah oui, oh bah, y a pas de problème. Je faisais la vanne pour l'éclairage. Mais en fait, il est sans pitié, quoi. Bah voilà, nobody minds if Carol puts her finger in the champagne. Ouais. Ça dérange personne si Carol met son doigt dans le champagne. Non, non, j'avais bien d'autres idées, mais... Oh non. Oui, fais la boire, parce qu'après j'ai des albums à prendre. Hein, ah, moi c'était pas pour ça non plus. Hein. Oui, on a compris, Toff, t'inquiète pas. Va. Bon, alors, justement, donc Plan B, on va te faire l'interview Plan B. On te donne une situation et tu nous dis quel est ton Plan B pour t'en sortir. So we're gonna make the Plan B interview, we're gonna give you a situation and you're gonna have to tell us what is your Plan B to get out of it, okay? Alors, tu es pris dans une bagarre et tu peux pas t'échapper, c'est quoi ton Plan B? You're in the middle of the fight and you can't escape, what's your Plan B? Headbutt the motherfucker. Je fais un coup de knock both of us out. So if I'm knocked out, I won't feel any more pain. So I just headbutt him, knock myself out and him, and then his mates can rush me and it won't matter. En fait, il met un coup de boule et puis il se défonce la tête, comme ça il se rendra pas compte de ce qui lui est arrivé, quoi. Ah, c'est un vrai anglais, donc. Ah ouais, là c'est pas mal. Et c'est ce qu'il a fait ce soir? Is it what you have been doing tonight? No, not tonight. I had a nice night tonight. No trouble tonight. Pas de soucis. Pas de soucis. A couple more of these, and then yeah. Je pense que tu étais un peu radine. Bon, alors tu te fais draguer par une fille, elle est super moche. Tu fais quoi pour l'esquiver? There's a girl who's trying to seduce you, but she's really ugly. So how do you go away? Tell her I got AIDS. Je lui dis que j'ai le sida. Ça c'est bon ça. Cette violence. Et c'est gratuit. Ah ouais, ouais ouais. Bon, t'es dans une soirée où tu t'ennuies, comment tu fais pour te sauver sans vexer personne? Ah bah, sans branle. You're in a party and you're bored, so how do you do to go away? How do I leave? Yeah. I just tell everybody this is a shit party. I just need to get some drugs and some drinks. Je leur dis que c'est une soirée de merde et qu'il faut un petit peu plus de drogue. But if you don't want to be mean to them. I don't know, get my dick out and make them make me leave. T'as compris? Il va sortir sa bite, je crois. So whoever's party is, I'll try it on with their mom, so they kick me out. Je monte ma bite, comme ça, ils me font sortir, quoi. Ou alors j'insulte leur mère, comme ça, ils me mettront bien. D'accord. Alors, t'es dans une émission de radio où on te pose des questions bidons. Comment tu fais pour t'en sortir? You're in a radio show where they ask you stupid questions. How do you escape? Ah, il peut pas sortir sa bite. I get them all drunk on the champagne that I brought. They fall asleep and then I leave. Je leur bourre la gueule au champagne, ils s'endorment et puis je me casse. T'es dans les chiottes et t'as plus de papier, comment tu fais? You're in the toilet and you're out of paper. Wow. Well, wash my ass in the toilet bowl and hope no one notices. What's a toilet? Yeah, the water, the toilet water. Fuck it. Ah, sur les murs. Yeah. Sur les murs. Straight up. What else are you gonna do? Les toilettes sont hors service. Hein. Qu'est-ce que tu peux faire d'autre? Oui, c'est tu vrai, sais c'est que, sûr. Que des fans sont capables de récupérer sa déco. Oh, well, if you have fans, they can like it. They can take it back home. What, my shit? Yeah. Yeah. I'll get one of the ass lickers to lick it off of me, I guess. Sinon, je leur demanderais de leur lécher. But you know what? I have good people around me, so I don't think any of them would do that. I'll make sure I don't have ass lickers around me. So I'll be in trouble. Non, j'ai des gens très bien autour de moi, donc je suis sûr oui. que les fans ne viendront pas me lécher. Bah, il vaut mieux. Tiens, Toff, tout à l'heure, dans un jeu, a imité l'accent anglais. Est-ce que tu te reconnais là-dedans? So he tried to imitate the British accent. So do you recognize it when it make it? I was listening. Il écoutait on the way here. Charles, right? Yeah, yeah. Charles. Yeah, that's this me. Is Charles. I'm Charles. Did he fall for that? Est-ce qu'il y a cru? Yeah. Oui. You should have waited till I got here and then you could have done it properly. Vous auriez dû attendre que je sois là, moi je l'aurais fait. Ah ouais, c'est dommage, oui. Bon, ton album s'appelle The Defamation of Strickland Bangs. C'est un très bon album. Pourquoi avoir choisi ce titre? So your great album is called The Defamation of Strickland Bangs. Why did you choose this title? Because when I was plan A, I was looking for a name and I thought of the name Strictly Business, which means, you know, I'm just here for business. And I shortened that to Strictly B. I wanted a name where, you know, my friends could still call me B. And, you know, then I switched my style, called myself Plan B instead. So when I decided to make a concept album, or what I like to call a film for the blind, for my second album, about a soul singer, I decided that the soul singer's name should be Strictly B. But then it, you know, obviously I realized that if an artist was tried in a court of law, they wouldn't call him by his stage name, they'd call him by his real name. So I thought, what would Strictly B's real name be? And Strickland Banks was the first name that came into my head, and I felt it was a stronger name, so I called the LP, The Defamation of Strickland Banks. En fait, ce qui se passe, c'est à l'époque où il s'appelait Plan A, il voulait déjà changer de nom pour s'appeler Strictly Business, en fait, ce qui veut dire juste le business, quoi. Finalement, il l'a raccourci en faisant Strictly B, sauf que voilà, en cours de route, il a carrément changé pour Plan B. Mais par contre, quand il a fait le film, il voulait que le chanteur de soul s'appelle Strictly B, et du coup il a cherché quel pouvait être le nom de famille en fait qui allait derrière le B, et donc il s'est dit que Strictly Banks ça sonnait bien, quoi. D'accord, alors très soul en tout cas, on a l'impression d'écouter Curtis Mayfield ou encore Marvin Gaye. Comment t'en es venu justement à faire de la soul? Ouais, listening to your album we feel like we are listening to Curtis Mayfield or Marvin Gaye, so how did it happen that you came to soul music? I think it's called soul music for a reason, you know, and it's something that comes very naturally to me. As soon as I started learning how to play guitar, I just found this natural ease to write songs and sing like that, you know. And so you know, I understood soul music, hip hop. You know, I had to work hard at to get that, but soul, I understood it. So, I don't know. I can't explain where the influences come from. I think the first time I ever heard soul music was in films. You know, My Girl, Macaulay Culkin film, and Stand By Me, River Phoenix. I think that's the first time I heard it, and I just understood it immediately. You know. And this album is just an expression of me, you know. And it's only when we came to producing the record that I think we started listening to Marvin Gaye and Al Green, you know, for the production ideas, you know, for ideas of how we was going to make the record sound. But the actual song lyrics and the songs just came from me. En fait, ce qu'il y a, c'est que cette musique s'appelle soul et qu'il y a une raison. Soul, ça veut dire l'âme, en fait. Mmh. Et en fait, voilà, il fait de la musique complètement naturellement, justement. Et dès qu'il a commencé à faire de la guitare, il avait facile à écrire et à chanter de cette manière-là. C'est-à-dire qu'en fait, c'était vachement plus dur, par exemple, pour du hip-hop. Et la première fois qu'il était en contact avec la musique soul, c'était dans des films comme My Girl ou Stand By Me, par exemple. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il comprenait cette musique, et du coup l'album, bah, comme c'est une expression de lui-même, c'est pour ça qu'il se retrouve à faire de la soul sur cet album. Et en fait, ils ont écouté effectivement du Marvin Gaye, du Al Green, mais juste pour la partie production, en fait, des morceaux. C'est-à-dire que par contre, pour les paroles, ils s'étaient pas du tout inspirés de ces deux artistes. Et alors sur l'album, donc justement, il y a un morceau qui est pas mal du tout, la plage numéro 5, Welcome to Hell. C'est quoi l'histoire, en fait, de la chanson? Can you tell us the story of this song, Welcome to Hell? Okay, well, the story of Strickland Banks is he's this famous singer. He thinks he's untouchable, and he's up his arse, like most celebrities. And he meets this girl, this groupie, and she's crazy about him, and he fucks her. And then he decides in the morning, you know, he's cheated on his girlfriend, he feels guilty. He says, he asks her to leave, politely. Will you please leave? And she says, no, fuck you, I ain't leaving. I want your phone number, like, what the fuck? Well, you just use me. And they got into a bit of an argument. Anyway, she leaves and she goes to the police and she accuses him of something he hasn't done. And he goes to court, and that's the song She Said. That's when he's in court pleading his case, and he loses the case. So the next song after that is Welcome to Hell, and Welcome to Hell is his first day in jail. And it's just, you know, about the warden and the inmates, the prisoners within the jail are very happy to have this celebrity in their jail, because I'm sure a lot of them have got plans to fuck him up his ass in the showers. So they're very happy. So the song is Welcome to Hell, motherfucker. You know, we're gonna eat you alive. And that's what the song's about. En fait, voilà, donc l'histoire de Strictly Banks, donc c'est que c'est un chanteur très célèbre qui se sent intouchable, et il rencontre une groupie. Bon, et finalement, voilà, il se passe ce qui doit se passer, c'est-à-dire qu'il la baise. Sauf que, en fait, ce chanteur, il trompe sa meuf. Du coup, le lendemain matin, quand il se réveille, bah, il demande à la groupie de se barrer. Et la meuf, elle veut pas partir. Elle lui dit non, je veux ton numéro de téléphone, machin, machin. Bon, ils ont une grosse dispute. Finalement, elle se barre, sauf qu'elle se rend à la police, où elle accuse le chanteur d'un truc que le chanteur n'a pas fait. Sauf que, bon, ben voilà, il termine au tribunal. La partie au tribunal, donc c'est la chanson She Said. Mm-hmm. Donc là, oui, voilà, il plaide. Celle qu'il fera tout à l'heure, là. Voilà, il plaide sa cause. Bon, il se trouve que finalement, il perd le procès. Et du coup, la chanson Welcome to Hell raconte ce premier séjour, finalement, en prison, avec les autres personnes incarcérées, qui, elles, sont évidemment très contentes d'avoir une célébrité dans leur cellule, et qui rêvent que de lui défoncer le cul. C'est du vrai ou pas? C'est autobiographique? Ouais, ou... c'est a true story or not? No, it's a fictional story, but you know, in the UK with footballers especially, this is always happening. You know, these girls accusing them of things they haven't done, and you know, a lot of the time the girls, you know, get found out to be liars, and the cases get acquitted, and the footballers walk free. You know, the problem with that is that it's a lot harder for women that actually do get attacked, for the men to come to justice. You know, because it's. You know, a jury does not want to find, someone guilty of a crime like that without, you know, sufficient evidence. They want to know, you know, 100% that guy is guilty of that crime. So, The problem is you get these girls that accuse men of things they haven't done, and it makes it harder for the true victims of that crime to get justice, you know. And people like Strickland Banks, he's a famous guy, you know, he's more likely to be made an example of, whether or not he's guilty or innocent, you know. You know, when it's a high-profile case in the paper, like that would be if you was a celebrity, you know, I think there's going to come a time when someone's going to get made an example of, so it looks like, you know, the justice system is doing something about that kind of crime. En fait, non, c'est une fiction, mais il se trouve que voilà, en Angleterre, ça se passe assez souvent avec les footballeurs, c'est-à-dire qu'ils se retrouvent souvent avec des meufs qui les accusent de trucs qu'ils n'ont pas fait. Ils ont qu'à faire comme les footballeurs français. Ouais, c'est ça, ouais. Ça marche mieux les putes, hein, y a moins de risques. C'est vrai. Et pas sûr. Et en fait, du coup, ce qui se passe, c'est que comme il y a beaucoup de ces affaires où les footballeurs sont acquittés et repartent libres, de plus en plus, le jury veut des preuves à 100% tangibles, quoi, irréfutables, avant d'accuser un mec qui aurait violé ou attaqué une fille. Et du coup, les vraies victimes ont de plus en plus du mal à obtenir justice, quoi, finalement, à cause de toutes ces affaires-là. Et en fait, voilà, dans son récit, il explique que ça ferait un bon exemple d'avoir Strictly Banks comme justement un exemple du système judiciaire qui fait bien son travail. Et du coup, c'est comme ça que l'histoire se termine comme ça. D'accord. Mickaël, le podcast. On essaiera de faire une question pour une réponse tout à l'heure. Il y a Rémi qui avait une question à poser justement à B. Et puis le live maintenant de Plan B en direct. She said. She said, I love you, boy, I love your song. She said, I love you, baby, oh, oh, oh, oh, oh. She said, I love you more than words can say. She said, I love you, baby. Just met tonight. So she said, boy, I loved you from the start. When I first saw your love goes down, I saw the started burning in my heart. I said, stop this crazy talk. Me right now. So now I'm up in the court, speeding my case from the witness box. Telling the judge and the jury, listen, I protested. She just feels rejected. Had a heartbroken by someone she's obsessed with. But she likes the sound of my music. She makes her a fan of my music. That's why love goes dynamic to lose it. Cause you can't separate the man from the music. And I'm saying all this in the stand. When my girl cried tears in the gallery, this has got bigger than I ever could have planned. Like that song by the Zootons, Valerie. So the jury don't look like they're buying it. This is making me nervous. I'm just crossing your face like I'm trying it. The eyes fixed on me like I'm murderous. They wanna lock me up before I weigh the key. They wanna send me down, even though I told them she. She said, I love you, boy, I love your song. She said, I love you, baby, oh, oh, oh, oh, oh. Yes, she did. Do this if you did. No, son live de Plan B à l'instant, She Said sur Énergie. Bon ben voilà, et puis vous avez bien kiffé Marina sur le groupe Facebook qui dit j'adore, je connaissais pas, ça gère de trop. C'est quoi aussi, j'aime la musique, le live sur Énergie, c'est cool, c'est Pauline qui avait envoyé le message. Bon ben voilà, c'est plutôt positif ça. Bon, Bi, installe-toi encore un petit coup, on a encore quelques petites questions pour toi. Ah dis pas encore un petit coup, il va être taqué là. Notamment Rémi qui est avec nous maintenant de Thoiry. Salut Rémi. Bonjour. Comment ça va? Bien, vous? Bah ça va tranquille, ouais. Bon alors Rémi, t'avais une question à poser à Bi. We've got a caller, ouais. Rémi's got a question for you. Okay. D'abord je veux dire que j'aimais beaucoup ce qu'il faisait. Ça faisait assez longtemps que j'écoutais en fait ce qu'il faisait. He really likes what you're doing and it's been a while he's been listening to it. Oh thank you very much man. Je te remercie. How long? Depuis combien de temps? Ça me fait à peu près 6-7 mois. 6 to 7 months. Okay, that's good, that's great news man. C'est bien, c'est une bonne nouvelle. On t'écoute. Et je me suis remarqué que dans plusieurs de ses clips, il y avait l'actrice Kaya Scodelario qui joue ici dans la série Skins. Kaya Scodelario, right? He noticed that bit. He noticed she was in a lot of your videos. Oui. Oui, effectivement. Comment ça s'est passé pour qu'elle apparaisse dans ses clips? Est-ce que tu l'as tronché en gros? You want to know how come she's so often in your videos? I thought you'd want to know what it was like kissing her. Tu devrais savoir comment tu veux. Donc il l'a tronché. Il pensait que tu voulais savoir comment c'était de l'embrasser. Oh, putain de merde. Et alors bah les deux. Kaya was there when I wrote She Said. We was in the trailer at a Harry Brown film with Michael Caine and Jack O'Connell, who was also in Skins, he plays Cook. He was in Harry Brown with me. He played a character called Marky. And he plays a little bit of guitar, and he was sitting in my trailer, and he was playing these two chords. She Said it's like basically a two chord song, most of it. And he was playing these chords, and I started singing the hook over the top, and Kaya was there, and I recorded it on my phone, and then a couple of weeks later, I wrote the song, finished it, and I recorded it with my band, and. When we came to shooting the video, we needed someone who could look beautiful, but at the same time look like a crazy fucking bitch. And Kaya is great at that because her character in Skins, you know, she's a really good looking girl, but then she's a bit crazy as well. And so for me, it made sense to use Kaya because she was there from the start and she's a great actress. And we also wanted to use actors and actresses in the music videos that we knew could act, because we want to turn this into a film, you know, so we wanted to be able to, you know, use cast that eventually we could use for the movie. En fait, je vais commencer par la fin, c'est-à-dire qu'il avait besoin d'une fille complètement folle, en fait. Il dit une salope folle, en fait, et à la fois jolie. Salope slag, ouais. Salope is bitch. C'est marrant parce qu'il comprend tous les gros mots en français. Oui, oui. Moi, je comprends tous les gros mots en anglais qui balancent. C'est vrai, you understand all the bad words in French. Ah, ta gueule. She only understands the bad words in English. Et en fait, ce qui se passe, c'est que elle était là depuis le début, en fait, quand il a commencé à écrire cette chanson, puisqu'il y avait un acteur qui était présent aussi, qui jouait sur la guitare, donc c'est deux accords. Mmh. Et en fait, il a commencé à chanter sur ce morceau, et il a filmé avec le téléphone, et donc Kaya était là aussi. Et du coup, bon, après, il a enregistré le morceau avec son groupe, et quand ils ont tourné la vidéo, ben voilà, ils avaient besoin de quelqu'un de joli et de à la fois complètement folle, et aussi, donc ce qui correspond au rôle qu'elle joue dans Skins, et aussi ils voulaient prendre des vrais acteurs et des vraies actrices, pardon, pour pouvoir récupérer tout le casting après, histoire d'en faire un film, en fait. D'accord, bah voilà Rémi. Ça ne nous dit pas s'il a couché avec. Et c'est vrai. He want to know if you have been sleeping with her. Non. Non. Ah, il a l'air déçu. I gotta say, during the sex scenes, nothing happened down there. No, no. It was, I expected something to happen and it didn't. And I guess that means we're just friends, you know. Non, ils sont juste amis. Il espérait qu'il se passe quelque chose. Il a pris beaucoup de plaisir à tourner les scènes de sexe, mais c'est rien passé. Ah, c'est dommage. Voilà Rémi. Et est-ce que je pourrais avoir un album ou pas? On peut filer un album à Rémi, Carole. Hein? Un album. Non, t'inquiète pas, c'est juste là comme ça maintenant. Hein. Après, je reviendrai pour on se mettra en appétit. Voilà, c'est juste l'encas. Bon, on va te filer ça, Rémi. Ok, merci beaucoup. Salut à toi, reste au standard. Au Rémi, ne bouge pas de là. Bon, alors comme t'es anglais, on va te faire l'interview The Frog versus the Roast Beef. Des anglais ou des français qui sont le plus. You understood? Yeah. You understood that part? Yeah, yeah, that's my stepdad used to call me Roast Beef. Ouais, son beau-père justement l'appelait comme ça. Donc, ah, bah so voilà. So you're gonna have to tell us in between the French and the English, who's the most? Voilà, okay. Qui sont les plus élégants? Who's the most elegant? Elegant. Elegant. French. Les Français. Come pourtant, on, si on regarde dans le sauf studio, ce c'est soir. Lui. Hein. Ouais. Ouais. Ce soir, c'est le contraire. Well, for tonight, it's you. Yeah. We must say. Ah, yeah. Well, I'm making an effort, you know. Obviously, you've rubbed off on me. Qui sont les plus séducteurs? Who are the more seducers? English people got game. You might not think it, but we got game, man. So. I don't know. I don't have enough friends that are French that are male to know if they are good at seducing women or as good as us English boys. But we're pretty good at it in England, so you have to go with what you know. I'm going to say English because that's what I know. En fait, il connaît pas assez de français pour savoir s'ils sont bons en séduction et du ouais. coup, ben voilà, il va aller avec ce qu'il connaît et donc il va dire les Anglais. Il dit, on est quand même très très bon à ça. Non, bah, on n'est pas loin du Bois de Boulogne. Il peut faire un tour là-bas. Il saura si on est bon séducteur. Ouais, mais bon, le Bois de Boulogne quand même. If I could speak French, I would be. I don't know, I'd be a good seducer. S'il pouvait parler français, speak French, il serait encore meilleur séducteur. Mais les Anglaises boivent davantage. Oui. Bah attends, ça peut aider pour être séducteur. Hein. C'est la question suivante. He says English women drink more, so it helps to seduce them. Yeah, well that's the thing. See, if we had a competition, you'd win if it was about how many girls you could fuck. Because you know, just get an English girl drunk and you're there. S'il y avait une compétition, effectivement, les Français gagneraient quoi. Du coup. Qui sont les plus alcooliques? Who's the most alcoholic? England, man. Nah, Booze, yeah. Britain, right? Yeah. We got TV shows, whole half-hour TV shows about Booze, Britain. It's an epidemic, whatever the fuck it's called. Il y a des émissions en fait en Angleterre carrément qui parlent juste que, voilà, du fait de se défoncer la gueule. j'ai vu une enquête où c'est un Anglais sur... Non, 7 Anglais sur 10 sont déjà allés bourrés le lendemain au travail. Ils sont sur une survey ça, ouais. Where they say that 7 English out of 10 already went to work while they were having a hangover. Yeah, there's not more. Parce que nous, quand on est bourré, on n'y va pas, quoi. Ouais. When I think the only people that's worse than us is the Irish, man. Ah, les Irlandais, what, the worst? Probably, I mean, they probably hide it better because they keep doing it so long. Ils sont pires, mais ils le cachent beaucoup mieux. C'est ça. Qui sont les plus sympas entre les Français et les Anglais? Who are the sweetest persons? Sweetest? English. Yeah, I think we we're very polite. We hardly ever complain in a restaurant. You know, I find a hair in my food in a restaurant in Verona, and the food was amazing, beautiful. You know, and I found this little hair, this little could have been a pubic hair. I don't know. And I didn't complain. You know, I was like, okay, fucking hair, because the food was beautiful. And fuck it, if the food was shit, I still wouldn't complain because we're British and that's what we do. So I guess that means we're quite sweet. We're quite voilà. sweet-natured people. So maybe we're sweeter. Ils pensent que c'est les Anglais parce que voilà, ils ont déjà cette réputation d'être très polis et de pas souvent se plaindre. Et d'ailleurs, il nous raconte l'anecdote. Il était dans un restaurant à Vérone et en fait, il était en train de manger et il trouve un poil ou un cheveu. Oh. En fait, et il pense plus que c'était un poil pubien. Hein, il dit, mais il dit la bouffe était tellement excellente, je me suis dit bon, c'est pas grave, je m'en fous, je balance. Je le mange. Voilà, tellement bon. Mais après, il dit c'est gratuit. Même si ça avait été dégueu, je pense que je me serais pas plaint non plus. Il dit donc voilà, je pense que c'est nous les Anglais. Ah ouais, ouais je pense parce aussi. Que nous si on trouve un français, poil, le français, je te dis pas le oh là là. Scandale que ça fait. Qui sont les plus beaux? Who are the most handsome? French man. Les Français. Of course, but we have exceptions in the UK. We have David Beckham. Voilà. And once you said that one, which one? My brother is a really, really good-looking guy, and he's you know half French. So yeah, Wayne Rooney. What is my brother Wayne Rooney? Or no, the you just say good-looking man. English. Wayne Rooney is. He looks like Shrek. Yeah. Il ressemble à Shrek. Bon. Unfortunate. Et la dernière, footballer. Qui sont les meilleurs joueurs de foot? Who are the best football players? You must be honest on that one. Yeah, French, man. But we're getting there, man. Les Français, les Anglais arrivent. Mais non, mais Thierry Henry, I love Thierry. You know, I love Ian Wright, who's English. He, because of Ian Wright, I support Arsenal. But Thierry Henry was fucking amazing and breathtaking to watch, you know. Thierry Henry était incroyable et il coupait le souffle à regarder. D'accord. Ouais, mais bon. Il en parle en passé, au passé. Oui, bah c'est ça. Hein, that was ça. In the past. Bon, son pronostic. Ouais, le pronostic pour la Coupe du Monde. So let us know what do, who do you think will win the World Cup? Well, you know what, yeah. England have always got a good chance of winning the World Cup because you know they've got some fucking good footballers there. But I think because they've all been fucking each other's girlfriends and all the rest of it. I just think mentally they ain't ready to win the World Cup. And I think, you know, English football's very fast and physical. And I think that's a lot to do with the weather, you know. Yeah. The temperature. We're going to South Africa where it's going to be fucking hot. You know, the Italians are good at playing slow football. They can play with the heat, you know, same with Spanish. I think that's what fucks us up a lot of the time, you know. If we done a World Cup in England, I think, and we had the team we got now, and the players hadn't been fucking each other's girlfriends, then I'd say, yeah, we're gonna win it. But I'd say maybe Spain. Donc il pense que ce sera éventuellement l'Espagne. En fait, voilà, il dit on a des super bons footballeurs, mais malheureusement ils passent leur temps à niquer la meuf des autres. Et du coup, mentalement, ils vont pas être au top. Et en plus de ça, comme ça se passe en Afrique du Sud, le football anglais est très rapide et du coup à cause du climat, ils risquent d'avoir du mal. Et la boisson. Donc Victoria Beckham s'est fait sauter par d'autres footballeurs alors ? Non, c'est le délire avec Ashley Cole et John Terry. En fait, John Terry, voilà, il a niqué la meuf de Ashley Cole, son coéquipier. Et il faut savoir que son frère vient de faire la même chose dans une autre division inférieure. Ah bah, d'accord, ok. Bon, combien d'albums je peux offrir, Carole, alors ? Non, non. 10, ça fait même pas une boîte. Bon, d'accord, il y a eu la bouteille de champagne, mais enfin, n'abusons pas. Allez, 50. 35. Mais c'est quoi, 35, ça fait des boîtes ? Oui, bah écoute. 50. Ouais, allez, 40, on s'en... 40, l'affaire est pliée, hein. Double 20, hop là, l'affaire est faite. Bon, des albums donc à choper donc de Plan B, ça se passe au 611-12, débuté par Énergie, puis vous mettez Plan B avec vos coordonnées complètes et votre numéro de téléphone. B, merci d'être passé. Thanks a lot for being with us. Merci pour la bouteille. No, thanks for having me. Merci de m'avoir reçu. Et puis tu reviens quand tu veux. La prochaine fois, on se met en costard. Hein, come back anytime. We will be wearing tuxedos when you're back. When I come back, hopefully I'll be speaking French. Il espère parler français la prochaine et fois. Et nous I'm not being sarcastic. I really want to learn French. Il veut pas. We can have a proper natter. C'est pas du, c'est pas du sarcasme. Il veut vraiment apprendre le français. D'accord. Bon, on essaiera. On verra la prochaine fois. Alors. Ça va, lui servira rien du tout. Bon, hein. monsieur. Un pécho des meufs. Voilà. Michael, le podcast. Il y a Igor qui est là maintenant du 93. Salut Igor. Salut. Comment va ? Hein ? Je dis comment ça va ? Bien et vous ? Bah oui, ça va bien Igor. Hein. Michael, de l'autre côté, 19 ans, comment ça va ? Bah ça va et vous ? Bah oui, ça va aussi, tranquille. Igor et Michael, nous allons jouer aux questions pour une réponse. Tu veux jouer avec qui Igor ? Toff. Avec Toff, Michael, tu veux jouer avec qui ? Bonsoir Igor. Avec Larousse. Avec Larousse, allez c'est parti. Ouais. Bonsoir à tous, installez-vous confortablement. Voici le rendez-vous incontournable des têtes bien faites et des cerveaux en folie. Question pour une réponse. Attention, ça va commencer. On monte le son. Voilà, hop, c'est parti. Question pour une réponse. Maintenant, je rappelle donc que Igor a décidé de jouer avec Toff et Michael a décidé de jouer avec Larousse. On y va. Première question. Top, je viens du baladin Buticula qui est le diminutif de Butis et on peut me retrouver sous plusieurs formes et sous plusieurs matières comme en verre, en plastique ou encore en bois mais seulement pour des expositions. Je peux transporter plein de liquides comme de l'eau, du lait ou encore la boisson. Une bouteille. Bonne réponse. La boisson préférée de Polo, le vin. On me jette quand on cherche un peu de secours, voire beaucoup quand il s'agit de Robinson Crusoe. Je ne suis pas une taille entière, mais une bouteille. Un bout de taille, pardon. Je suis donc une bouteille. Voilà, c'était un petit jeu de mots très sympathique. Merci Pablo. Deuxième question, 1-0 pour Michael. On peut pas dire que ce soit grâce à vous, Igor, Michael. Hein. Ben si Igor il a essayé quand même. Même pas une petite tentative. Non, c'est pas vrai. Même pas. Allez, deuxième question. Attention. Top, je suis la capitale politique et administrative de mon pays, la deuxième plus grande agglomération du pays. Je suis situé sur le littoral atlantique du pays, sur la rive gauche de l'embouchure du Bourgreg, en face de la ville de Salé et non de Sucré. Quand on fait un choix par défaut, on dit qu'on se moie sur quelqu'un. Attention, enlevez le mot R. Enlevez. Oui. Rabat. Bonne réponse. Enlevez-moi le R de mon mot et je serai les restes d'un animal mort. Rajoutez-moi joie et je serai une personne qui se plaint tout le temps. Rabat, bonne réponse. 2-0 pour Michael Héroux. Allez, la dernière question qui aurait pu être pour Sandro. Sandro peut jouer si elle veut. Ah d'accord. Top, je suis un groupe de musique fondé en 1975. Roux. Ah, 1975, je Sandro. Sandro d'abord. Brosse. Non. La compagnie créole. Bonne réponse. Et toujours très populaire en francophonie. Nous sommes 5. Non, je ne suis pas les Jackson 5, Sandro, donc, hein, car nous sommes caribéens, guyanais. Enfin bref, ils sont de là-bas, quoi. J'ai sorti deux albums en 1982 et 83, intitulés Blogodo et Vive le douanier Rousseau. Nous sommes plus qu'un groupe, nous sommes une compagnie comme celle de Californie ou encore des eaux. Je suis donc la compagnie créole. Bah, bonne réponse. Ils ont sorti que deux albums ? Oui, oui, en 83 le dernier. Hein, mais après, ils ont pu sortir plein de singles. Ouais. Parce qu'à mon avis, il y a deux albums et 10 best-of. C'est ça. Bon, bref, Igor, c'est une défaite. Ouais. Ah ouais. Bah, cache ta joie, Igor. Hein. Ouais, il a perdu. Tu peux passer une dédicace ? Allez, vas-y, t'organises ça au moins. Une dédicace à Nikesh, Mladen, Coralie et le collège Pablo. Le collège Pablo. Eh bien, pas de problème. Message passé, Igor. Ciao à toi. Oh. Allez, à bientôt. Oh. Et puis, Mickaël. Bah c'est gagné toi, hein. Tu vas repartir avec... qu'est-ce qu'on va te filer? Lecteur Blu-ray, ça te branche? Pas de problème. Eh ben écoute, t'es sûr, hein, sinon on te file un bouquin. Hein. Compile. Ouais, je préfère le bouquin. Eh ben d'accord, ok. Sans déconner, tu préfères eh bien, le bouquin. Écoute, on t'offre un bouquin et je prends le lecteur. D'accord, Mickaël, nos malaises, hein, on va te repasser Michel au standard alors, d'accord? Ok. C'est exceptionnel. Tu demanderas à Michel, il nous reste des vieux dictionnaires, il peut t'en envoyer. C'est la première fois que ça arrive. Grave. J'offre un lecteur Blu-ray mais qui préfère un livre. C'est beau. Non mais c'est beau. C'est beau là comme quoi la culture a encore de l'avenir en France. Putain, je suis étonné. Ah, ça peut être un livre de oui-oui. Hein. Oui. Ah mais de oui-oui. De oui-oui. De oui-oui alors, d'accord. Comme bon. Quoi l'humour ça peut coûter cher aussi. Oui, c'est vrai. Allez, fin du question pour une réponse. Retour de ce même jeu demain soir, même heure. Merci d'avoir joué avec nous et à bientôt pour une nouvelle partie de questions pour une réponse. Et mesdames et messieurs, l'heure est venue maintenant d'accueillir The Motherfucker P.O.L.O. Show. Ah, bonsoir, bonjour, bon matin. Allô, nous sommes Fiction Plane, tu écoutes le popopopopopo. Ouais, popo, popo, moi aussi j'écoute. Show. C'est tout la balle, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bienvenue dans le Polo Show, j'espère que tout le monde va bien, on va commencer juste après un peu de pub. Si vous n'arrivez pas à vous réveiller le matin pour aller à la mosquée... Il y a une application pour ça. Si vous aussi, vous n'arrivez jamais à situer la Mecque pour pouvoir prier, il y a une application pour ça. Si vous êtes à deux doigts de manger du porc ou de la viande non halal, il y a aussi une application pour ça. Imam est disponible dans l'Apple Store avec un muezzin pour ton réveil, une boussole pour t'orienter et une alarme pour t'empêcher de commettre l'irréparable. Imam, uniquement sur l'iPhone. Bonsoir, je m'appelle Julia Lewis and you're salut listening Juliette. To the Polo Show. Juliette Lewis, dont je vous conseille d'acheter l'album, parce que c'est un très très bon album. On est dans le Polo Show, on va commencer avec quelqu'un qui est là. Salut Polo. Salut. Je suis fan de monsieur. Ah bah sans, sans doute. Après. Non, moi j'en ai rien à foutre. Pascal Ounet. Pascal. Non. C'est pas toi. Non. Bon, qu'est-ce que tu veux? Je suis fan de monsieur. Si, c'est lui. Tu te souviens de moi? Hein? Tu te souviens de moi? Bon, tu t'appelles comment? Je m'appelle le fan de monsieur. Bon, qu'est-ce que tu veux? Bah, tu m'as pas laissé finir ma chanson sur monsieur. Oui, mais je fais ce que je veux en même temps, non? Et j'ai aussi inventé une chanson sur Polo Show. Ouais, mais on s'en fout, c'est pas et drôle, ça va être Micha aussi. Alors Micha, tu peux y aller, vas-y. Ok, ok, elle est courte. Hein. Bah comme Micha. M-I-C-H-A. Plus fort, on t'entend pas d'être con. M-I-C-H-A. M-I-C-H-A. Écoutez tout l'art d'écrire. Hein. M-I-C-H-A. Il est mauvais, mauvais, mauvais. Il rappelle pas, il est... C'est... connais pas le temps d'arriver à hyper inactif. Là, on... il est c'est quoi ton prénom? C'est Mathias. Mathias, dégage, pour avoir insulté Micha, ça ne se fait pas. Je suis seul mec au monde qui a le droit d'insulter Micha gratuitement. Hein, du con. Voilà, il confirme. Qui est là? Allô? Allô? Oh, mon capitaine! Oh, mon capitaine! Oh, non, c'est bon. Allez, allez. Mon capitaine! Ah, refais-le! Oh, capitaine! Mon capitaine! C'est pas il mal. Il est où, eh? Qui? Il est où, monsieur? Il est où, monsieur? Il est où? Il est où, ce sale bâtard? Il est où, ce sale bâtard? Putain, c'était l'enfermement de vous, ça, aujourd'hui! Oui! Il est où, ce sale bâtard de fumier de haie? Oui! Oh, oh, du calme, du calme! C'est qui? Putain, je te jure, je vais te tuer! Il est là, attends! Monsieur! Putain, ça prend mal à ça! Il est là, monsieur! Mon chat, il est handicapé! Il était fait décapiter deux pattes arrière! Monsieur, il avait plus de pattes arrière, il avait plus de dos! Monsieur, vous voulez répondre ou pas? Monsieur, je vous détaille, je vous assure que vous êtes un profond putain de fleur, putain! J'en ai marre, monsieur! Elle est où la section d'assaut? Section d'assaut, je vous cours! Je vous montre ça! Calme-toi, monsieur! De quoi t'as rien fait, monsieur? Oh, à vous la vérité! C'est mieux la vérité que le mensonge. Écoute-moi, tu vas te calmer, j'ai rien fait à ta chatte, t'as compris? De quoi t'as rien fait à ma chatte? Si, de quoi t'as rien fait à ma chatte? Oh, tu l'as décapité! Non, décapité les pattes arrière. Ne pousse pas les maîtresses orties. J'ai rien fait à ta chatte, d'accord? De toute façon, moi, je vais te dire quelque chose, monsieur. Laquelle, tu sais, Sandra, elle en a rien à foutre, tu lui dois des excuses. Pourquoi tu la traites de salope? Pourquoi tu la traites de pute? Eh ben, c'est qu'une salope, et tu sais quoi? Je vais lui boire le cul ce soir. Non, T'as pas le droit, monsieur, t'as un cochon, c'est tout, t'as un salon. Oui, alors présente-toi les condoléances pour mon chat, et là, je te pardonne. Mais me pardonner quoi? J'ai rien fait à ta chatte. Si, tu l'as décapité, tu vas voir, moi, demain, sachant moi, mon chat, il lui manquait deux pattes. Tu vois, elle est handicapée, il manquait deux pattes arrière. Il lui manquait la queue. Hein. Plus, une fois, tu lui avais taillé même les oreilles. Hein. Bon, après, tu lui avais trop de... Elisabeth, calme-toi. Monsieur est... Je crois que quelqu'un raconte sa vie. Monsieur est... Oui. Polo. Je vous écoute, vous avez vu? Polo. Vous déchaînez les passions. J'ai pas oublié mon numéro pendant un petit moment. Ça m'arrangerait. Polo. Ouais. Pour oublier tout ça, parce que derrière, il va falloir dormir. Polo, est-ce que tu peux mettre ma chanson préférée que vous mettez en ce moment tout le temps, là, papa, là? Mais je sais pas, je connais pas, moi, papa. Il est là, j'ai ça, si tu veux. Non, Polo, j'ai ça. Non, c'est là-dessus que j'ai boire la grossière. Polo. Quoi? Mets-moi papa, le papa style. Je sais pas ce que c'est le papa style, moi. Eh ben demande à Jack Jack. Papa. C'est ça? Voilà. Alors je peux te dire que j'ai entendu ça nulle part, mais sauf sur votre radio. Ah, c'est pas mal. J'ai envie de te dire, c'est génial. Tu peux me le mettre, que je m'entends bien? Écoute. C'est qui chante ça? Mister Hugo et c'est génial. Et Papa Wemba. Ouais, mets-moi. Jack. Ouais. Attends, il cherche. Ah, n'emmerdez pas. Jack. Ouais. Jack. Mon Jack à moi. Alors vas-y, mets-moi. Voilà, papa. Vas-y, que je me sens bien là. Non, mais c'est Mister Hugo, mais il y a un nom avant. Oh bah putain mec, je peux arriver. Mr. King Size et Dr. Hugo. Voilà, Mr. King Size. Même eux et la maison de disques, ils doivent plus se rappeler du nom. Ils ont dû l'oublier ce dos, tellement que c'est top. Du calme monsieur. C'est une chanson que Polo aimerait bien, c'est la chanson pour les gros. Oui, pervers. Je vois pas ce que tu veux dire. Moi j'aime pas la chanson pour les cons. Hein? Bah, vous me mettez cette putain de chanson. Mais j'ai pas là, je crois quoi, j'ai des chansons, j'ai ça si tu veux. On est pas dans une radio. Polo. Quoi? Je te demande ma chanson, Polo. Mais je l'ai... Ah, bah là voilà, hop là. C'est ça que tu veux? C'est pour tous les gros. C'est pour tous les gros. Ok. C'est ça. Allez, le live. Écoute ça, Polo. lui quoi. Non, lui. Ah, allez-y, monsieur. Putain, t'entends ça sur votre radio, mec. Je peux dire que c'est énorme. Tu sais que... Hey, Polo. Ouais. Tu sais que dans ma voiture... Écoute ça, écoute les paroles. Bon, est-ce qu'on peut couper la musique, là? Ça va aller. Merci. Bon, monsieur, vous avez eu ce que vous voulez? Vous êtes content? Hey, Polo. Quoi? Hey, tu sais, dans ma voiture, mon poste de radio RDS... Ouais. Eh ben, il y avait cette radio, cette chanson qui passait. T'as pas de voiture? Ah si si, bah, tu sais quoi, Polo? Quoi? Mon poste il a zappé tout seul. Non. Si, sans très intelligent ton poste. Monsieur, on va y aller, les conclusions, je vous prie. La conclusion? Moi, ton poste, ouais. Il le capte. Je t'emmerde, con de roue. Tu sais quoi, roue? Écoute, je fais l'appel. Mais faites-vous la guerre un autre jour, pas ici, allez-y, on fait l'appel. Je fais l'appel. Ça va? Ça va, t'as intérêt à répondre? Présente. Bah, tu sais très bien pourquoi. Juste par intérêt, quel but. Non, t'as très bien. Arrête ou je te lâche le fauve. Conclusion, le fauve. Oh ta gueule toi. Eh, ça va. Ouais. Eh, lâche pas le fauve. Eh, ça va. Ce qu'il faut. Oui. Eh, ça va, tu sais quoi? C'est ça, je vais être chouette avec toi. Ne réponds pas. Elle est là, faites attention monsieur, je vous la lâche à tout moment. Non, bah alors je vais faire vite. Eh, ça va. Ouais. Je vais être chouette avec toi ce soir. Oh, c'est mignon. Allez, je te rends une petite pelle. Allez, la suite. Hey, Ikaël. Oui. Tu peux aller te faire foutre pour tes rendez-vous. Fini, oh. Trop tard. Fallait pas abuser. Jack. Oui. Oh, Jack, mon Jack. Merci pour le texto. De rien. Eh, hey, oh, quel sourire dans la voix des deux. Eh, hey, Polo. Je t'écoute. Il est là, le pervers. Il est là, ouais. Il est derrière moi. Le pervers. Ouais. Oh putain les trois, mais comme par hasard belge. Eh ouais. Ah pour tous les gros, bah, la, pa. Monsieur, faites vite. Oui, je suis là. Et bah ce soir j'ai décidé, tu vois, je fais pas ça sur Sandra, je me taille une petite queue sur toi. Écoute avec plaisir, si je peux prendre en facial à la fin c'est parfait. Allez on y va monsieur, faites vite, ça Elisabeth. Eh, ouais. Tu veux la guerre? Tu veux la guerre? On se retrouve derrière le garage sur le terrain vague. Oh, oh, ben j'ai pas une arme chacun. Et Roux. Viens avec tes cheveux, ça suffira. Roux. Oui. Je veux pas la guerre, moi, Roux. On en reparlera juste dans un mois. Ah, tu veux quoi? Je roule une pelle? Non, dans un mois, on en reparlera. Allez, ça suffit, monsieur, on y va. Au revoir. Ah, tu me prends comme ça, Roux. Garde patience. Le show va bientôt se terminer. H-5 secondes. Monsieur, tu le prends comme ça, Polo? Au revoir. Eh ben prenez-le comme vous voulez. Elisabeth, dis au revoir, monsieur. Dis au revoir, Polo. Monsieur. Au revoir, monsieur. Et demain, au revoir, Elisabeth. Monsieur. Oui, Elisabeth. Venez, je vais vous faire du bouche à bouche, monsieur. Quel bon, je vous fais bouche à bouche. Monsieur. Je te mets la langue. Oui. Vas-y, je te fais du bouche à bouche en direct. Vas-y, oui, monsieur. Oui, tu me sens, Elisabeth, bien. Tu me sens. Oui. Tu me sens bien. Bon, ça suffit, le perverse, là. Monsieur, au revoir. Elisabeth. Oui. Tu te crois où, là, de faire des cochonneries comme ça, là? Hein? Allez, fiche-moi le camp. Au revoir, et fous-moi le camp. Hein? La chanson de Roux, pour terminer, on se casse. Allez, get up, stand up. Ouais. Vous êtes... C'est le Roux qui vient de s'éveiller. Elle est bonne, la chicorée de le roux. Yo. Le roux au petit déjeuner. Ooh. Un amour de roux. Yeah. J'ai vu toute la chicorée de le roux. Maintenant, je suis toute mouillée. Yeah. Le roux va vite me baiser. Ah, glou, glou, glou, glou, glou, glou, glou, glou. J'aime trop la vitalité de le roux et dans la salle. T'as pris des des libertés avec les phrases... Non, de la cocaïne. Avec, oh, oui. Avec le texte original. Hein. Il est là, Micha, tu peux lui parler si tu veux. Oh là là, il me manque. Ah oh, Micha, s'il te plaît. Il y a le roux qui m'apporte un charbon. Je te jure, je vois un bon, Elisabeth, tu délires. Elisabeth, fous-moi le camp. Non, dis un truc à Micha ou va-t'en. Micha, je t'aime. Oui, oh là là, c'est bon, allez, casse-toi. Allez, on s'achève le Polo Show. Merci à ceux qui l'ont écouté. Merci surtout à ceux qui l'écoutent pas. Ça m'évite parfois d'avoir quelques ennuis. Allez, get up, stand up. Mickaël, tous les soirs 21h minuit sur Énergie et l'intégrale en podcast sur énergie.fr.